Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 21. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous écrire à notre adresse Démocratie Participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, Démocratie Participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je vous invite aussi à télécharger notre numéro hebdomadaire en PDF qui reprend tous les articles de la semaine. Soit paraît dans la semaine, donc vous verrez, vous pouvez pas le louper normalement. Et c'est très bien évidemment pour les garder sous le coude, hein, tout simplement pour l'archivage. C'est aussi un moyen de partager le contenu avec des gens qui ne sont pas nécessairement connectés, voilà, ou en cas de suspension du site, enfin en cas d'imprévu, voilà, ou de dissémination. Et à ce titre-là, n'hésitez pas à créer des petites listes de mail listes, de listes de courriels, d'amis, que vous pouvez contacter chaque semaine pour leur transmettre. Voilà, ça c'est un bon moyen de lutter aussi contre la censure. N'hésitez pas, et vous pouvez même, s'il y a un article ou deux articles qui vous ont particulièrement intéressé, dire, voilà, dans ce numéro, à page temps, vous allez trouver l'article qui est intéressant. Voilà. Comme ça, c'est dit, c'est fait. Maintenant que j'ai dit ça, oui, je voulais remercier nos donateurs. Alors, j'ai fait un laïus là-dessus la semaine dernière. Je pense qu'on en a parlé aussi sur le site assez en détail. Oui, alors le site est intégralement financé par ses lecteurs. Le site, tout comme l'émission, enfin le média est financé par ses lecteurs et auditeurs. Et le site est sur la liste noire, vous l'avez bien compris, je pense maintenant, de tous ceux qui détiennent le pouvoir en France, hein, voilà, gouvernement, réseau occulte, vitrine d'organisations diverses, gouvernement étranger, pour ne pas tout à fait le nommer, etc. Donc, le média ne tient que parce que ses lecteurs et ses auditeurs veulent le financer, en fait. Et je sais qu'un certain nombre apprécient ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on a quand même des auditeurs fidèles, on a des lecteurs fidèles. Et donc, c'est vrai je les appelais en tout cas à nous soutenir financièrement. Voilà, mais bon, c'est pas non plus de la mendicité agressive, hein, c'est simplement voilà, pour ceux qui se sentent l'envie. Simplement, maintenant que c'est vrai que l'exigence est de plus en plus forte et que la pression est plus forte aussi, c'est vrai que pour maintenir dans la durée, sans le soutien des auditeurs et des lecteurs, très clairement, ça ne sera pas possible. Donc voilà, donc l'appel a été lancé et il a été entendu, je pense. On va voir combien de temps ça dure. Est-ce que nos auditeurs voudront continuer à nous soutenir, à nous être fidèles? Ben, on verra, hein, on verra au fur et à mesure. Alors je tiens du coup à remercier ceux qui ont fait des dons et qui nous l'ont signifié. Hein, si vous faites un don en crypto-monnaie, puisque c'est exclusivement en crypto-monnaie, dites-le nous. Par email, justement, pour qu'on puisse vous remercier quand même. Je sais qu'il y a des gens qui veulent pas le signifier, qui veulent juste faire un don en toute discrétion, et voilà. Mais n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Donc il y a trois monnaies qu'on propose quand même, je dis, hein. Monero, c'est celle qu'on recommande, c'est la plus sûre, en tout cas qu'on propose actuellement. Sinon Bitcoin, évidemment, ou Ethereum. Alors, première personne qui nous a fait un don, c'est Jean. qui nous a fait l'équivalent, je crois, 25 euros en don, et qui se familiarise avec les crypto-monnaies, c'est aussi l'occasion. On a Nicolas qui nous a fait un petit don en, comment dirais-je, en Monero, on l'en remercie. On a Kermitrou aussi qui nous a fait un petit don de 25 euros, on le remercie par Monero encore. On a aussi, comment dirais-je, là c'est Martellus qui a voulu nous remercier, qui remercie, en plus de son don, qui remercie Fulbert pour avoir conseillé à nos auditeurs de lire le livre de Gérard Menouin, Dites la vérité et vous humilierez le diable. Voilà, ça lui a beaucoup plu. Il dit que c'est une bombe. Et donc, voilà, il nous a, il a précisé ça dans son petit message. On a aussi, comment dirais-je, Grand Press qui nous a fait un don, un petit don, mais c'est très bien. En Bitcoin aussi, c'est la fidélité qui compte. Et enfin, on a Lycos qui nous a fait un don de 3 Monero aussi. Remercie Lycos. Voilà, alors, bon, merci les gars de votre soutien. Voilà. Donc, désolé d'avoir été un peu long, mais je précise quand même pour que les gens soient un petit peu au courant de tout ça. Donc voilà, je pense que pour les rappels, c'est à peu près fait. Maintenant, je vais présenter les participants de la semaine. Je commence avec tout simplement Pierrot, qui nous fait le plaisir d'être là. Salut Pierrot. Salut Gandalf, salut tout le monde. MacDav est aussi avec nous cette semaine. Salut MacDav. Salut à tous, très chers amis. Hopman America est avec nous aussi cette semaine. Salut à tous les amateurs de football à Guingamp. En avant, Guingamp, en les avant, nègres. Les nègres, évidemment. Fulbert est avec nous aussi cette semaine, bien sûr. Salut Fulbert. Bonjour Gandalf et bonjour à tout le monde. Un auditeur a une question pour toi, Fulbert. Je m'empresserai de te la poser dans pas trop longtemps. Tu vas voir, on a besoin de ton expertise belge, Fulbert. Derek aussi est avec nous cette semaine, requinqué, il a la patate, notre ami Derek. Oui, oui, en meilleur état que la début d'émission de la semaine dernière. Hein. Donc l'éther nègre est venu à mon secours, nous la remercions. L'intercession a eu lieu alors. Oui, oui, j'ai aussi beaucoup prié Saint-Sida cette semaine de s'abattre sur l'espèce de vieille pute, là, vieille tante... absolument ignoble dont on va parler tout à l'heure, mais voilà, les carnègres à Saint-Sida sont dans mes pensées. D'accord, ça c'est bien à savoir. Alors, mes petits amis, on va commencer ce début d'émission avec notre rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. On a un courrier cette semaine, en forme d'anecdote. Alors, bon, c'est bien parce que c'est comme je dis, c'est du vécu, et ça vaut mieux que finalement, même les articles de presse, en fait. Bon, alors, je vous le livre. Salutations participatives, et merci pour le bon boulot et les barres de rire. Je viens de l'Est, donc de la France, hein, et j'ai déménagé dans l'Ouest l'année dernière, et si c'est effectivement moins envahi, on sent que l'État français fait tout ce qu'il peut pour que les pays de la Loire rattrapent leur retard. J'ai assisté à une transmutation miraculeuse aujourd'hui. Un arabe qui a réussi à transformer 10 euros en 100 euros. Pour poser la scène, je passe dans l'ouest, pas loin de Laval, et je décide de donner mon obol au gouvernement en prenant quelques litres de gasoil. En me mettant dans la file, je vois un arabe en train d'essayer de convaincre un jeune blanc qui fait son plein de lui prêter sa carte bleue contre la somme en liquide. Le mec placide ne se laisse pas convaincre malgré l'insistance grasse de ce fils du désert. À ce moment-là, je sors de la voiture pour faire mon plein et voilà que débarque Sainte Boumeuse, une petite blonde grassouillette d'une soixantaine d'années qui lui propose sa carte. Il lui donne 10 euros et s'apprête à remplir l'équivalent en carburant dans sa 307 défoncée avec du plastique en guise de vitre arrière. Je sais pas comment il a placé Et au bout de deux échanges, la voilà qui lui propose de lui payer son plein pour, je cite, faire sa BA, vu qu'il était tombé en panne sèche et vu le prix du carburant en ce moment, minimum 100 euros. S'ensuit une drôle de scène où l'arabe, n'en croyant pas sa bonne fortune, dit à sa voilée de sortir pour remercier la boumeuse. Lui dit que Dieu le lui rendra. Réparti de la boumeuse, oui, j'espère, enfin s'il existe. À ce moment-là, mon plein terminé, je m'empresse de m'en aller avant d'assister à la suite de cette aventure ubuesque. Cette scène ressemblait tellement à ce que vous décrivez dans vos émissions et était tellement surréaliste et caricaturale que je n'ai pas pu résister à l'envie de la partager avec vos auditeurs. Bonne continuation, et c'est Mugna qui nous a livré cette anecdote. On le remercie beaucoup, Mugna, de nous avoir partagé ce petit moment d'authenticité 68arde. Ça fait plaisir. Alors, je laisse... Je laisse la haine se déchaîner. Alors, surpris, non, ça m'étonnerait quand même, mais... Oh là là, putain, la générosité des boomers. Alors ça, par contre, ça m'est jamais arrivé. J'ai déjà sorti des boomers de la merde, mais par contre, l'inverse, j'ai pas souvenir. C'est surréaliste. Ce pays regorge d'anecdotes comme ça. Ah oui. C'est énorme. Mais bonne question. Pourquoi est-ce qu'on a filé le droit aux femmes d'avoir des comptes en banque, hein? Pourquoi on leur a filé le droit d'avoir des carnets de chèques? Si on va appliquer la charia, il faut laisser aux hommes le monopole, oui, des moyens de paiement. Éventuellement, les femmes feront les comptes, ce qu'elles font très bien. Mais si on veut mettre la charia blanche jusqu'au bout, on revient à la loi qui a donné un carnet de chèques aux femmes. Ouais, en tout cas, d'avoir un compte en banque sans l'autorisation de leur père ou leur mari, quoi. Bah, faut déjà les conquérir, hein, les koufars, avant de... Ne mettons pas la charia avant les bœufs, hein, si je peux me permettre. Il faut, il faut déjà que ces koufars passent à la caisse. Non, mais c'est bien, je veux dire... Puis en plus, c'est marrant, parce que c'est clairement pas quelqu'un qui croit en Dieu. Hein, bon, vraiment, enfin, c'est la boumeuse, athée probablement, quoi, ou agnostique, je sais pas bien, enfin athée visiblement, qui nous ont cassé les pieds pendant, oui, une bonne cinquantaine d'années sur le patriarcat d'inspiration catholique, etc. Puis au fond, ils se mettent en quatre pour essayer d'aider un mec dont la femme a le visage barré d'un grillage. Ouais, c'est bien, c'est... Ça résume bien les choses. C'est surréaliste. Moi, à la limite, je veux bien filer un plein au bougnoul à une seule condition, c'est qu'ils embarquent toute leur smala, toute leur descendance, et qu'ils aillent directement dans le désert et qu'ils me fassent plus chier. C'est la seule raison pour laquelle je leur filerai du pognon. Voilà. Alors, qui d'autre sur sur la bonne samaritaine? La parabole de la bonne samaritaine. Non, personne? Je me pose une question quand même. Est-ce qu'elle aurait donné du pognon à, je sais pas moi, à son petit-fils ou son fils, je sais pas moi, pour l'aider à créer sa boîte, ou éventuellement pour, je ne sais pas moi, acheter un couffin pour son fils qui vient d'avoir un bébé? Enfin, je me pose quand même la question. Est-ce que... C'est quoi? Je ne suis même pas persuadé que ce soit une nana qui regorge de pognon. Moi, je la vois très très bien comme petite fonctionnaire retraitée qui a décidé de faire sa BA à un bougnoul. Oui, bah, après, elle va gueuler sur Macron, qu'est-ce qui réduit les retraites. Le truc, on ne peut pas faire un procès d'intention, parce qu'on connaît, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas. Par contre, on peut se poser la question, est-ce qu'elle aurait donné, comme ça, je ne sais pas, un jeune blanc en galère, est-ce qu'elle aurait donné 100 euros? Moi, je pense qu'elle aurait dit, faites comme nous, allez travailler. Ouais, je pense que... très très bien. Ah oui, je pense que... Bon, mais bon. Enfin bon, voilà. Belle anecdote. C'est quand même extraordinaire. Mina. C'est-à-dire que les Arabes, globalement, ont quand même du pétrole. Ils viennent chez nous, nous pillent par la classe. Le pétrole. De ça, avec l'argent des fonctionnaires retraités, ils payent même pas le plein, quoi. La boucle est bouclée. C'est une totalité hegélienne, comme dirait l'autre. Ils veulent le pain et le pétrole des Français. Maintenant, tu connais leur secret. Tu sais maintenant comment ils trouvent le pétrole. Ouais. De toute manière, sans les blancs, le pétrole, je crois qu'il leur servirait à rien. Ah bah, il serait toujours où il était avant, bien sûr. Sans le moteur à explosion, pas de richesse en Arabie Saoudite. Hein. Oh, comment ça? Ouais, j'aime bien les nègres, ils ont toujours ce truc-là. Ouais, mais l'Afrique est riche, elle est pillée. Non, mais sans les industries européennes, occidentales ou même asiatiques, l'Afrique, elle serait aussi pauvre. Oui, c'est parce qu'on pouvait Bah oui, je veux dire, ils sont là, ouais, et l'uranium, oui, mais c'est parce qu'on en fait quelque chose de l'uranium, sinon en lui-même ça vaut rien l'uranium. Ouais, non, ça vaut rien, en plus, tu sais, c'est ça demande quand même, comment dire, des blancs qui travaillent, l'extraction d'uranium. Alors l'exploitation, j'en parle pas, mais il y a quand même des types qui sont beaucoup de blancs et d'asiatiques, hein, qui sont conducteurs de chantier et qui ramassent du sable par quantité extraordinaire et qui en extrait une petite quantité de yellow cake, hein, d'uranium. Enfin, tout ça, sans les blancs, ça ne fonctionne pas. Hein. Sans le moteur à explosion des machines qui l'extraient sans les centrales nucléaires, l'Afrique est encore plus pauvre qu'elle ne l'est actuellement. Ils se mettent ça bien dans le crâne, les négros. Oui, alors là, tu peux toujours courir. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui leur rend dans le crâne. Hein. Les machettes. Oui, ça, ils se les foutent dans le crâne tout seul. Ouais. Ils aiment bien faire ça. Alors, rubrique numéro 2, les amis. Question des lecteurs, ça s'adresse à Fulbert. Salut à vous, chers amis. Je voudrais tout d'abord vous remercier du travail que vous effectuez chaque jour et poser une question simple à mon compatriote Fulbert à propos des élections à venir. Alors, ça se déroule au moment même où on enregistre, donc il y aura un petit contretemps, mais bon, voilà, on répond quand même à l'auditeur. J'avais initialement pensé à voter blanc, mais après avoir visionné la dernière vidéo d'Henri de Lesquin, j'ai finalement dirigé mon intention de vote vers le Parti Populaire. Néanmoins, l'origine ethnico-confessionnelle du président me laisse pensif. Quel est votre avis sur la question et pour quelle liste allez-vous voter? Merci d'avance pour votre réponse et pour les prochaines émissions et articles à venir. Alors, ton compatriote te pose une question, Fulbert. Moi, je suis un béotien sur les questions de politique intérieure belge, donc je suis un peu curieux aussi d'avoir ta réponse. Oui. En fait, je vais tout de suite le rassurer. Moi, je ne suis carrément pas allé voter. Tout simplement. Pourquoi? Parce que je ne voyais pas très bien où aller, pour qui voter, mais il y avait quand même quelque chose d'inhabituel en Wallonie, c'est que pour ce qui est de la Chambre des représentants, donc les législatives, le Vlaams Belang présentait une liste en Wallonie, ce qui est complètement inhabituel. Je me suis dit, tiens, histoire de donner un petit coup de pied dans la fourmilière, ce serait bien que le Vlaams Belang ait quelques résultats. Et puis hier, j'ai vu un type qui mettait une petite observation sur Twitter, un Belge aussi, et qui parlait d'un représentant du Vlaams Belang, parlant au nom du Vlaams Belang, bien sûr, dont le nom m'échappe pour l'instant, mais je crois que c'est de Griekens ou Van Griekens, quelque chose comme ça. Et le type, comme le fait remarquer le post sur Twitter, lorsqu'est venue sur la table la question de l'immigration, le type n'a jamais parlé ou invoqué ou laissé penser à une possible remigration. Dans la politique du Vlaams Belang, qui a apparemment soigneusement évité la question. Ce qui m'a décidé, j'ai fait la grasse matinée, je ne suis pas allé voter. Intéressant ça, ouais, intéressant, comme j'ignorais ça. Donc en fait, un Vlaams Belang, donc, au départ parti nationaliste flamand, dont tu dis que maintenant finalement... Bah, finalement, ils auraient un peu évolué sur leurs fondamentaux, peut-être au plan tactique, on ne sait pas, mais maintenant, donc, ils se présentent dans la partie francophone de la Belgique, et ce qui aurait pu être, d'après toi, enfin, ce qui aurait pu offrir pour toi une alternative sur le sujet de l'immigration, en fait, bah, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'ils auraient complètement édulcoré leur discours sur le sujet, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais ce n'est qu'un seul post de Twitter qui m'a impressionné, hein, je le reconnais humblement. Mais il semblerait au premier résultat qui commence à être lancé dans les médias, il semblerait qu'il y ait quand même pour tout le pays, donc toute région confondue, il semblerait que le Vlaams Belang ait beaucoup gagné et que la NVA, contrairement à ce qui est annoncé, sous-entendu, espéré par les médias, n'aurait pas perdu. Alors, il y a beaucoup de gens qui disaient, qui jouaient les gros bras, les démocrates, hein, toujours les démocrates à gros bras musclés, qui disaient, de toute façon, pas question de faire une alliance avec la NVA pour un éventuel prochain gouvernement. Oui, ben moi, je trouverais ça assez formidable si on pouvait voir arriver un nouveau gouvernement NVA Vlaams Belang. Je trouverais ça assez comique. Je sais pas, hein, je ne voudrais pas rêver, mais laissons pisser, on verra bien. D'accord, donc j'espère que notre auditeur aura eu quelques éléments de réponse. Alors, messieurs, je vous propose de passer à la rubrique numéro 3, autisme radical. Là, c'est bien. Bah, c'est raccord avec la thématique des vieilles boumeuses. Vous allez voir. Là, c'est le journal La Montagne qui nous parle de ça. C'est dans la région... Bah, vous allez voir, quoi. Alors, je crois que c'est Clermont-Ferrand, je crois. Je crois que c'est Clermont-Ferrand. Un motard de 45 ans avait été tué dans un choc avec une voiture l'été dernier à Châtel-Guyon. La conductrice en cause a été condamnée à minima ce mercredi par le tribunal clermontois. Je suis persuadée d'avoir été prudente. Je fais toujours très attention. Toujours. Face au tribunal clermontois, mercredi, la prévenue redit sa conviction de ne pas avoir commis de faute le 27 juillet 2018 à Châtel-Guyon. Ce jour-là, vers 18h, la sexagénaire s'était engagée sur la route départementale 227, depuis un parking au volant de son Scénic. Mais alors qu'elle traversait la chaussée à la perpendiculaire pour se mettre sur sa voie de circulation, une moto l'avait percutée de plein fouet à la sortie d'une courbe. Le pilote, un père de famille de 45 ans, n'avait pas survécu. Faute d'expertise, la vitesse du deux-roues au moment du choc fatal n'a pu être estimée. Une certitude soulevée par Maître Chantelot en défense et qui a pesé dans la décision des juges. Reconnue coupable d'homicide involontaire, la conductrice écope d'une simple amende de 2000 euros avec sursis. Alors, messieurs, qui a envie de me parler un peu des boumeuses qui sortent n'importe comment des parkings et qui finalement repartent avec une petite menace d'amende si d'aventure elles tueront encore un mec. Voilà. On va encore nous reprocher d'être misogyne, Gandalf. C'est ça, c'est certain. Ouais. Bah là, tu peux jouer sur les deux tableaux, misogyne ou boumophobe. Ça s'appelle faire de l'agisme. Et les gauchistes utilisent ça. Ouais. D'accord. Non, mais alors là, la thématique des vieilles au volant, moi, je suis assez preneur, mais comment dire. Alors, qui veut répondre là-dessus, là? Enfin, qui veut me donner son sentiment là-dessus? Bah, écoute, qui conduit au quotidien en France, c'est que l'appeler en bagnole, c'est les vieilles femmes. Hein. Enfin, les vieux, de toute façon, en général, et les femmes. Et les nègres, les nègres aussi. Alors, Derek, c'est un coup assez classique. Oui, non, mais moi, c'est. Bon, je suis à deux roues, donc c'est, effectivement, je fais gaffe de pas finir. Dans un fauteuil ou autre, mais force est de se constater que dès que tu arrives à un rond-point ou une intersection quelconque, bah, dès que tu as une femme ou un nègre, hein, peu importe, alors si tu as une négresse, c'est encore mieux, mais il y a quelque chose qui se passe, qui ça va pas, tu vois. Entre le temps, je regarde qui c'est qui arrive, je démarre, il se passe 5 à 6 secondes à peu près, c'est-à-dire que bon. Ah, il n'y a personne. Alors attends, oui, je passe la vitesse, je lève le pied du frein, de l'embrayage, j'accélère. Donc voilà, tu as le temps d'arriver, puis bof, elle te rentre dedans. Alors est-ce que c'est biologique par rapport. Est-ce que le chromosome Y entraînerait une meilleure coordination des mouvements? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose, hein, c'est certain. Oui, oui. Je pense que c'est aussi une question d'anticipation, en fait. Les hommes bon, ils peuvent avoir un peu le pied lourd, voire être un peu trop agressifs au volant, mais globalement, ils arrivent à anticiper une situation. Et puis, quand ils paniquent, ils vont pas piler comme des cons. En bagnole, piler, c'est pas forcément une bonne solution. C'est même au contraire, là, c'est la dernière chose à faire. Alors que les nanas, quand elles se bloquent, ça peut être très très dangereux. Alors, c'est la panique. Ouais, c'est la panique. Il y a un mythe sur lequel il faut revenir, c'est celui qui voudrait que les femmes aient moins d'accidents que les hommes. C'est totalement fou. Je ne sais pas qui colporte cette connerie, mais les statistiques le prouvent. Au nombre de kilomètres parcourus, les hommes ont moins d'accidents que les femmes. Par contre, la proportion d'accidents est effectivement plus souvent mortelle et plus souvent grave. Mais l'idée que la femme serait plus anticiperait plus au volant et aurait une conduite beaucoup plus sûre, et c'est totalement faux. Je crois que les assureurs ont bien compris justement ce genre de truc. Je sais pas si c'est encore le cas actuellement, hein, mais il fut un temps, c'était sûr. Les hommes payaient une assurance plus chère que les femmes, justement parce que tu disais ça, MacDav. En gros, bah, les mecs, ils ont d'accidents plus graves, mais ils en ont beaucoup moins souvent. Ah bah c'est toujours le cas, parce que moi, mon assurance fait de la pub pour ça. Alors, j'ai une assurance un peu à la con, que je suis obligé de prendre pour certaines raisons, mais eux ils font ça. Tu vois, ils t'expliquent tranquillement que ah voilà, les femmes, vu que effectivement, en nombre absolu, elles font quand même moins d'accidents, mais elles roulent moins. Et bien, ils sont en train d'expliquer que effectivement, elles payent moins en tant que femmes. Et alors, je sais, enfin, ils ont alors fait en fait, c'est une encule. Hein. C'est pas qu'elles payent moins, c'est toi qui payes plus. Bah, avec le système d'assurance, c'est sûr, parce que finalement, c'est toi qui mets la main à la poche. Donc, ouais, non, en plus, je sais même pas si c'est légal, parce que c'est discriminant. Mais bon, eux le font. À ce compte-là, tu peux tout à fait exiger, je ne sais pas moi, par exemple, un IMC sur ton assurance vie. Et enfin, un IMC. Tu peux parfaitement exiger qu'une assurance vie prenne en compte ton état de santé. Tu vois, plus ton état de santé est mauvais, et plus tu payes cher, vu que tu as une conduite de vie qui est plus risquée. À ce compte-là, tu peux faire ça. Mais bon, ce serait discriminant et fasciste. Alors le truc là, le truc qui est complètement dingue, c'est que la fille a été reconnue comme étant en tort. Et ils ont été incapables de prouver que le motard, lui, était en tort. Ils n'ont pas pu démontrer sa vitesse, je présume parce qu'il n'y avait pas de traces de frein, donc ils n'ont pas pu calculer la vitesse à laquelle il arrivait. Et ils se sont mis à extrapoler des théories, et les juges ont acheté ça. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu que la nénette, elle était en tort, pas de problème, donc elle est sortie n'importe comment. La défense dit « Oui, mais on ne sait pas trop à quelle vitesse il arrive. » Les autres disent « Oui, vous avez raison, bon, allez, 2000 euros avec sursis. » C'est quoi ce truc? Bah, c'est t'as quoi, tout dit, Gandalf, hein, les juges, hein, donc bah, les femmes, hein, voilà. Bah, très probablement, mais là, je veux dire, il y a un... Homicide involontaire, 2000 euros d'amende avec sursis. Donc, vous comprenez, elle n'a pas été relaxée, je veux dire, elle n'a pas été relaxée. Ils n'ont pas dit, voilà, bon, non, là, la situation, là, elle est parce qu'elle a dit non, je ne sais pas, j'ai toujours. Je fais toujours très attention. Tu sais, il y a un mort dans le fossé, quoi. Elle m'a dit, j'ai toujours fait très attention, moi, hein, faut bien que vous en ayez conscience, quoi. Donc, il est mort. Bon, le tribunal dit, bon, en fait, non, la vieille, elle a fait n'importe quoi. Donc, elle est bien en faute. Mais malgré le fait qu'elle soit en faute pour une affaire d'homicide involontaire, elle a une peine d'amende avec sursis. Enfin, je sais pas quoi. Ne m'étonne absolument pas. Bon. Je vais peut-être faire mon blasé, mais je pense que ce genre d'affaire arrive assez souvent. Bah, visiblement, oui, ça devient de plus en plus. Enfin, bon, c'est. Bon, pour les homicides involontaires, il y a des moments où on en prend plus. Hein. Vous vous rappelez l'affaire Merrick? Oui, effectivement. Les piques brûlantes qui se mettent dans les têtes des étudiants de Sciences Po. Voilà, vous prenez, bon, 7 ans ferme. C'était quoi la peine la plus lourde? 10 ans ou 7 ans? J'ai oublié. Bah, j'ai totalement oublié, mais il me semble que Morio, c'était pas... Il me semble que c'est 10 ans, hein. 11, je sais plus. Je sais pas. Oui. Enfin, bon, complètement délirante. Bon, pour homicide involontaire, voilà. Bon, voilà. Et là, 2000 euros d'amende avec sursis. Bon, il manque juste le crachat sur la tombe du père de famille, quoi. Dommage. Non, mais il faut faire passer des tests de réflexe à tous les conducteurs régulièrement, passé un certain âge. C'est indispensable. Oui, on peut. Alors vous savez que, comment dirais-je, grâce... parce que là, c'est la grande révolution des voitures qui sont autonomes maintenant, vous savez ça. Voilà. Donc en fait, je pense qu'on va pouvoir carrément interdire aux femmes de conduire. Hein. Là, ça, à l'échelle de 10-15 ans, c'est faisable. Hein. Oui, j'ai lu que ces voitures-là n'aimaient pas particulièrement les nègres. C'est bon, non, les confondre avec des... Le nègre, le goudron, bon, route. Bon... 2000 euros d'amende avec sursis, voilà, c'est tout. Ouais. Non, c'est... Peut-être de crédit d'impôt dans certains pays. Non, mais tu sais, en France, moi je vois le truc arriver, ils vont édicter une loi, comme en Inde, vous voyez, mais sauf qu'à la place des vaches sacrées, ça sera le nègre sacré, on sera obligé de se détourner, tu vois, parce que tu pourras pas déplacer le nègre. Ah, il va se poser de la route. Et oui, le nègre sacré. Bah, le nègre sacré. Et c'est déjà le cas avec les bougnouls qui s'arrêtent pour prier. Au plein milieu de la route, hein. Non, mais... Quand tu habites dans un quartier, les bougnouls, c'est les spécialistes, ils croisent leurs cousins, ils s'arrêtent au plein milieu de la route. Et tu ne klaxonnes même plus, parce que vu que le bougnoul est sacré, tu es obligé de te détourner. Alors ça, il y a encore mieux, c'est que beaucoup de régies de transport public en France sont gérées, donc c'est tout ce qui est commune, intercommunalité. Et on a la bonne idée en France hein, pour se payer l'électorat des bougnoules, hein, surtout quand on n'est pas de naturellement de gauche, donc tout ce qui va être mairie de droite ou centriste, de filer tout ça aux bougnoules. Hein. Et tu peux avoir des fois des bus qui se croisent, hein, où tu as deux chauffeurs bougnoules, et ils s'arrêtent en plein milieu, et puis ils tapent la discute, ça dure une bonne minute, tu vois. Tu es derrière, ils en ont rien à foutre. Hein. Que dalle, ouais, tu vas au boulot. Ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est merci les mairies de droite, hein, bien propre sur elles, qui filent ces trucs-là directement au CAF et surtout au Maghreb en fait. Hein. Ah, il y a pas mal d'Antillais aussi dans ces postes-là. Hein. Les Antillais, c'est la poste et les prisons. Ouais, parce que oui, les transports publics avec les Antillais, le train ça va, c'est-à-dire que allez. C'est rare. À coordonner. Mais dès qu'il s'agit de tourner, tu vois, des intersections, les types pourraient quand même péter le bus. C'est problématique. Non, les nègres, c'est très rarement à ces postes-là. Par contre, la SNCF, la RATP, il n'y a pas de problème. Hein. Je sens que le nègre... Vas-y. Non, vas-y. Non, je rappelle qu'en dessous de 75 points de QI, la motricité des individus qui sont impactés par ce QI faible est engagée, quoi. Et bon, après, si vous faites la moyenne des QI en Afrique, voilà. Voilà, je vous laisse faire des connexions. Oui, les Antillais, à mon avis, rien que de regarder le volant du bus, ils se mettent déjà en arrêt de travail tellement ils sont épuisés, tu vois. À mon avis, c'est peut-être... Oh non, non, déjà se mettre en arrêt de travail, c'est compliqué. Je pense qu'ils dorment. Ils font la sieste, quoi. Et récemment, il n'y a pas eu un clash là dans un bus là, hamdoulillah, la tenue, la provocatrice là, tu sais, la fille devait avoir une jupe, je crois, ou je sais pas quoi. C'est pas ça? Ouais, non, moi je pense qu'on est au courant d'un 10 000ème de ce qui se passait dans les bus d'Île-de-France. Ça doit être. Non, mais c'est bien, il y a un retour de l'ordre moral. Bon, bah, pas par là où on avait forcément anticipé, mais. Hein, ouais, je serais pas étonnant qu'il y ait beaucoup de désbrouffes du côté, des deux côtés en fait. Vu que les féministes sont prêts à peu près tout pour faire parler d'elles, je serais pas étonné qu'on ait bien déformé la réalité parce que on a beau dire, bon voilà quoi, il y a pas que des femmes voilées dans les quartiers, hein. Il y a aussi des beurettes, ils sont habillés vraiment de façon dégueulasse. Hein. Tout à fait. Bon bah en tout cas on est très content hein, pour cette boumeuse de 60 ans et plus qui va pouvoir repartir chez elle donc avec la menace quand même très sérieuse de payer 2000 euros si d'aventure elle tue encore quelqu'un sur la route. Voilà, bon. On espérera quand même qu'elle va s'en remettre. Voilà, ça gâcherait la retraite quand même. Hein, bon. Pensée amicale, donc à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Alors, mes amis, je vous propose de passer à la rubrique numéro 4, le sale bouillon de la semaine. Alors là, vous savez, c'est le festival de Cannes en ce moment. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Moi, ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas. Ils essayent de forcer, là, bon, bref. Le film ça intéresse poste... de moins. De l'air, le oui. cinéma intéresse de moins en moins de monde. Mais, oui, j'ai bien l'impression. À part 2-3 productions hollywoodiennes, mais bon, déjà, c'est plutôt les séries maintenant. Mais ouais, on nous force le festival antifasciste de Cannes. C'est ça, voilà. Ouais. Très, très. L'égide du ministère de la Culture, évidemment. Bah, voilà. Les films sont de plus en plus mauvais aussi. Enfin, ah, bah, justement, parlons-en. De plus en plus nuls. Alors, vas-y. Alors, le Huffington Post nous relate ça. Était en lice un film en particulier. Donc, 6 ans après la Palme d'Or, puis la polémique autour de la vie d'Adèle, le français. C'est pas moi qui cite, hein. Abdelatif Kechiche a secoué le festival de Cannes jeudi avec Mektoub My Love Intermezzo. Une expérience de 3h28 radicale jusqu'à l'overdose dont les trois quarts se déroulent en boîte de nuit. Précédé d'une rumeur sulfureuse, ce film en compétition officielle contient, comme attendu, son lot de surprises et de provocations, dont une scène de cunnilingus de 13 minutes, ni plus ni moins. Pendant la projection officielle jeudi soir, plusieurs personnes sont sorties de la salle. Pas d'autre solution, c'est un film porno. Le cinéma, c'est autre chose, commentait une spectatrice en quittant les lieux. Le caractère très sexuel de l'œuvre n'est pas vraiment inattendu de la part d'un cinéaste qui avait déjà marqué les esprits avec une scène de sexe de 8 minutes dans la vie d'Adèle et une autre torride en ouverture de Mektoub My Love Canto Uno. Suite de ce précédent opus, Ode au désir, de près de 3 heures, présenté à la Mostra de Venise en 2017, Intermezzo en reprend les personnages principaux, une bande de jeunes à 7. Alors en fait, je vous explique, c'est des blanches et des bicots, les bicots bourriquant les blanches. Voilà, j'ai résumé le film en fait. Mais là où le premier film passait d'un lieu à l'autre, alternant scène de jour et de nuit, avec déjà une longue scène de soirée, le second se déroule presque exclusivement dans un lieu unique, une boîte de nuit. Donc voilà, donc en gros, hein, 3 heures de scène crypto-porno, ouvertement pornographique, cunilingus, machin, des bicots avec des blanches. Voilà, alors donc ça c'est le Festival de Cannes et c'est Kechiche, donc qui est un cinéaste français, mais qui est aussi tunisien, ou surtout tunisien. Il a une sale gueule, d'ailleurs. Alors, qui veut me parler un peu de culture française ? Le 7e art français se porte au mieux. Bon. Je crois que... Ça devient difficile de distinguer les Cannes et les Hot d'Or. Hein. J'ai l'impression que la frontière devient de plus en plus ténue. Qui veut réagir ? Ouais, écoute, j'ai pas vu le film, hein, mais par contre, j'en ai vu un... Du réalisateur en question. Le premier là, non ? Alors c'est pas son premier, mais bon, c'est un bougnoule, donc forcément il insère des bougnoules. Je crois que le premier c'est un truc qui s'appelait La Graine et le Millet, un truc comme ça. Et celui que j'ai vu c'est pas Le Bleu est une couleur chaude, c'est La Vie d'Adèle. Voilà. Putain, j'ai vu ça. Ah ouais, Les Guinas. Les Guinas, ouais. Alors, mais en plus pas belle, l'une comme l'autre. Tu vois un film sur les lesbiennes, tu t'attends au moins qu'elles soient jolies. Bah, même pas. Déception. Et c'était nul à chier. Elle parle comme des Arabes de banlieue. Hein. C'est ça aussi le truc. Ouais, alors elle parle comme des Arabes de banlieue. Les personnages du film et les actrices. Le problème, c'est que les actrices, c'est, je crois, deux filles de gros producteurs de cinéma. Alors, au moins l'une d'entre elles... Et la deuxième doit être une fille d'actrice. Enfin, c'est... Mais je crois que c'est l'une des plus grosses boîtes de production de cinéma de France. C'est une fille qui est vraiment née avec une cuillère en or dans la bouche. Et elle se permet de faire la nana qui vient de banlieue, qui est lesbienne. Oui. C'est absolument ignoble. Et le film n'avait absolument aucun intérêt. C'était un truc fleuve. Hein. C'était en deux parties. Le total devait faire plus de 3h30. Mais incompréhensible. Incompréhensible. Bah non, mais il a mis deux lesbiennes et voilà, hein, banco. Hein. Il a les bonnes connexions, c'est-à-dire que comme tu dis, c'est intéressant. Donc les traînées dans le film sont des filles de producteurs, donc qui ont voilà, il faut les mettre dedans pour avoir accès au financement en fait. Donc ça, il a bien compris. Bah, c'est totalement ça. Voilà, bon, c'est ça. Et lui, bon bah lui, c'est vraiment le maghrébin de Tunisie complètement dégénéré, qui prend son pied à montrer des blanches, faire des trucs complètement dégueulasses. Donc là, c'était deux Gwyn, maintenant c'est deux blanches qui se font baiser dans une boîte de nuit par des bicots avec des scènes de cunnilingus, etc. Enfin, je veux dire, bon. Par contre, ils ont vendu ça sous l'angle, oui, ça choque, c'est sulfureux. Alors, oui, une scène de cunnilingus, non, c'est pas vraiment sulfureux, c'est crade. Mais sulfureux... Ah non, mais c'est sûr, le sexe, c'est dit. Enfin, oui, c'est vraiment la nouvelle frontière de l'interdit. C'est la dissidence, en 2019. Ouais, ouais. Je veux dire, on te met des culs partout pour te vendre du savon, des bagnoles ou des revues, ouais. Tout ce que tu veux. Mais montrer un corps nu, c'est être transgressif. Non, mais n'importe quoi, je veux dire. Faut vraiment être totalement fou pour penser ça. Et t'as encore des gonzesses qui pensent ça. Hein. Ils sont persuadés que la visibilité du corps des femmes, c'est un truc tabou hein, dans notre société judéo-chrétienne, n'est-ce pas? Ils essayent aussi beaucoup de mettre un petit vernis d'art. Alors il y avait le petit vernis de ok, mais en fait c'est subversif, hein, oui bien sûr. Le petit aussi vernis d'art pour dire finalement bah, c'est pas vraiment du porno. Donc il n'y a pas besoin de mettre l'interdiction au moins de 18 ans alors oui. Qu'il y a une scène de cunnilingus. Ils avaient déjà fait le coup, ça remontait à loin cette histoire. Les premiers trucs c'était le film qui s'appelait Baise-moi. Oui, ça remonte un peu. Hein. Et en fait, depuis, ça n'a pas arrêté, quoi. Il y a toujours, ouais, non, mais c'est de l'art. C'est du porno, mais il y a de l'art. Ouais, c'est le film de comment elle s'appelle, la Despentes, espèce de porno. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Virginie Despentes. Mais complètement dégueulasse. Alors c'est marrant parce que, en fait, je l'ignorais totalement, mais cette nana là est beaucoup lue parmi, on va dire le public, on va dire Mademoiselle, quoi, Mademoiselle.com. Alors que c'est une nana qui doit avoir une cinquantaine de ballets, et l'un de ses romans est adapté en ce moment par Canal+ dans une série, et c'est pareil, c'est totalement indigent. Alors visiblement ils ont du budget parce que il y a des acteurs connus, enfin il y a Romain Duris qui joue le rôle principal, mais c'est nul à chier quoi, et vraiment ça n'a aucun intérêt, tu t'emmerdes au bout d'un quart d'heure, mais il y a du pognon pour faire ces merdes là. Alors que tu regardes du côté anglo-saxon, que ce soit enfin, au niveau des séries, ils font quand même des séries de qualité. Nous, les Français, on décolle pas bah, parce que on a vraiment bah, un système de copinage qui promeut tel bougnoul et telle lesbienne, et on te fait des films de merde à la chaîne. Comment dire Oui, ben tout simplement parce que il y a un ministère soviétique de la culture, ou plus exactement géo-soviétique de la culture, qui fait qu'il y a des sinécures. Il y a des sinécures, il y a des fermages, et on sait très bien que voilà, on peut pas faire de cinéma sans être introduit dans ce milieu-là. Bon, c'est pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, comme il y a vraiment un phénomène, je veux dire, ethno-communautaire qui contrôle toute cette économie-là, aggravé par, en fait, le socialisme, c'est-à-dire l'intervention de l'État dans cette industrie, où, en fait, vous pouvez faire des navets, c'est pas grave, le contribuable paye, il n'a pas le choix, parce que le pouvoir politique qui cherche à se concilier les stars du showbiz, les producteurs, les scénaristes, etc., parce qu'ils ont une influence médiatique et culturelle évidente, de fait, bah en fait, il y a une entente entre l'État, ceux qui le contrôlent, qui sont généralement les mêmes d'ailleurs, et ceux qui produisent le cinéma, et en fait, le critère qualitatif est totalement secondaire là-dedans. Ce qui compte, c'est du copinage pour se soutenir mutuellement, c'est-à-dire il y a ceux qui ont le pouvoir culturel, le pouvoir idéologique, ou de diffuser l'idéologie, ou les de rappeler les interdits moraux très en vogue en ce moment, qui sont en fait des interdits moraux judéo-trotskistes, très clairement. Et puis le pouvoir politique, qui s'appuie sur cette idéologie et ses interdits pour légitimer son pouvoir. Donc on voit bien dans quelle direction ça va. Puis bon, de toute façon, quelqu'un voudrait créer quelque chose d'original aujourd'hui en France, il ne pourrait pas le faire. Il n'aurait pas le droit de le faire, il n'aurait pas les moyens de le faire, et il serait en plus activement combattu si par hasard il parvenait à faire un petit quelque chose dans son coin. Mais donc voilà. Du coup, les Américains, ils arrivent quand même à faire des séries. En France, ils ont essayé de faire des séries avec Netflix. Là, on en a parlé plusieurs fois ici. Netflix a diffusé des séries faites pour le marché français, notamment une avec Depardieu. Et comment il s'appelait l'autre, là? Magimel, Marseille. Ouais, voilà, c'est ça. Bon. Voilà. Ouais, t'avais celle-ci. Enfin, c'est Canal+ qui produit, hein, globalement. Ouais. Mais ça reste quand même assez bas de gamme. En fait, quand un nouveau support artistique arrive, c'est un peu, si tu veux, la découverte. Et en fait, c'est la prime aux aventuriers. Et vu que les producteurs ne savent pas ce qui va vraiment marcher, ils font un peu confiance aux gens qui sont, on va dire, les plus entreprenants et ceux qui vont faire le plus de qualité. C'est ce qui s'est passé avec la musique. Quand l'industrie du compact disque s'est développée, les producteurs savaient vraiment pas ce qui allait marcher. Donc ils ont fait de confiance à des groupes, qui sortaient un peu des codes, tu vois, comme Queen. Bon, Queen, on peut penser ce qu'on veut, Freddie Mercury est une grosse tante, on est d'accord, mais ça reste quand même un groupe de qualité avec des musiciens de qualité. Et quand c'est arrivé, vu que les gens ne savaient pas ce qui marchait, enfin les producteurs ne savaient pas ce qui marchait d'un point de vue financier, ils ont fait confiance à ces mecs-là. Et au niveau des séries, ça a été exactement la même chose aux États-Unis il y a 10-15 ans, quoi. Ils ne savaient pas ce qui allait marcher. Donc ils sont mis à financer des projets d'un point de vue purement artistique. Ça a été exactement la même chose pour le cinéma. Mais maintenant, vu que les productions coûtent de plus en plus de pognon, et que c'est phénoménal, hein, les gros blockbusters, c'est plusieurs centaines de millions de dollars. C'est immense. Donc quand tu mets ça sur le tapis, tu te doutes bien que Shlomo, ce qu'il attend, c'est de la rentabilité. Donc évidemment, il va faire des études de marché pour ça. Il va faire des études de marché pour voir ce qui va plaire. Et c'est comme ça qu'on arrive à un cinéma qui te produit uniquement des merdes, qui coûtent énormément de pognon à faire parce que tu as une débauche d'effets spéciaux. Et ça va marcher, mais si tu veux, il n'y a pas de nouveauté, quoi. D'un point de vue artistique, il n'y a pas de recherche et il n'y a pas de qualité. Ouais, c'est un cinéma purement commercial. Mais par contre, il y a quand même une qualité dans le cinéma commercial, c'est qu'il doit rencontrer un public et techniquement... aussi juif que soit Hollywood, techniquement, c'est quand même, il y a quand même, le résultat est au rendez-vous, généralement, indépendamment de la qualité du film. Ça, c'est indéniable. Alors que le cinéma français, et je dirais même le cinéma européen en général, mais bon, on va se cantonner au cinéma français, c'est une friche, quoi. Parce qu'en, précisément, à cause de ça, c'est qu'eux, ils ont un filet de sécurité financier qui est garanti par le CNC, on le sait. Et en plus, et par d'autres médiations, parce qu'on peut ensuite mobiliser les administrations, l'éducation nationale, les comités d'entreprise, pour amortir les chocs de nanars, comment dirais-je, invendables commercialement. Oh. Et donc, en fait, ils savent que plus ou moins, ils peuvent faire vivre comme ça ce qu'ils vont appeler des auteurs, qui sont en fait juste des artistes d'État, quoi. Des artistes d'État qui sont intégralement financés par ce système de socialisation des pertes qui nous est imposé. Ça n'existe pas du tout aux États-Unis, je veux dire. Ça n'existe pas du tout aux États-Unis. Si le public boude totalement un film, c'est une catastrophe commerciale, et juif ou pas juif, ils doivent affronter le coup de l'échec, quoi. Alors, généralement, les mecs sont quand même des pros, comme tu dis, ils font beaucoup d'études de part de marché sur le cinéma commercial. En général, ils évitent quand même les fours. En règle générale, il y a toujours un incident ou deux, mais en global, ils évitent. Non, en France, ils en font pas. ils n'en font jamais. Les Américains sont quand même très très pragmatiques, contrairement à nous. Mais tu regardes, Besson a fait un film à très très gros budget, hein. Ouais. Il s'est planté. Il s'est totalement planté. Avec une distribution qui était pourtant, c'était diffusé en Chine, c'était diffusé partout. C'est pareil d'un point de vue des effets spéciaux. T'as, je pense, plusieurs centaines de types très qualifiés qui ont passé des années, un an et demi à faire ces trucs-là. Et il s'est planté, il a perdu plusieurs dizaines de millions d'euros sur son truc. Ouais, mais Besson est un type prétentieux. Et son cinéma est prétentieux, en fait. C'est un baiser de négresse. Ça, c'est possible aussi, c'est même certain. Mais ce que je veux dire par là, mais au moins je reconnais une qualité, c'est d'essayer de sortir du microcosme ashkénaze de la bonne bourgeoisie parisienne. Ouais, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à cause de ce filet de sécurité qui est garanti par le ministère de la Culture, la grande bourgeoisie, je dis pourquoi la grande bourgeoisie juive parisienne peut se regarder le nombril dans le miroir à longueur de film sans avoir à se soucier de, comment dirais-je, du nombre de places vendues pratiquement, hein, ce qui produit ce cinéma indigent qu'on voit. Et par exemple, vous regardez au plan du cinéma français, les Anglais arrivent à produire des choses, je veux dire, le cinéma britannique arrive à produire des choses, ils s'associent aussi à d'autres pays. Mais ils arrivent à produire des choses, même au niveau des séries, ils arrivent à produire des choses. Mais on regarde l'heroic fantasy, par exemple, ou la fantasy en général, bon, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a que dalle, quoi. Par exemple, prenez un mec comme Astier, on aime ou on n'aime pas son genre, son style, mais au moins, il essaye de créer quelque chose. Il essaye de créer quelque chose d'original, qui va s'appuyer sur des références européennes traditionnelles, finalement. Bon, en y mettant un humour qui est bien à lui, les goûts et les couleurs, c'est pas ce dont je veux parler, mais il y a cette tentative à la fois d'être dans quelque chose de populaire et d'original. Mais c'est extrêmement rare en France de voir ça. On est toujours dans le bavardage. Enfin, en France, au niveau du cinéma, c'est pas dans la chanson, mais au niveau du cinéma, c'est toujours le bavardage, quoi. C'est parce qu'ils ont cette garantie économique offerte par ce ministère soviétique de la culture. Ouais, alors ça. Bon, après, vous allez me dire, on n'est pas obligé d'aller les voir, les films, hein, mais bon. Ça, c'est pour la facette intello branchouille du cinéma juif. Ouais. Y a une autre forme de cinéma qui a apparu là. Ces 10 dernières années, c'est en fait, ils te font des nanars avec des sales youtrons du type Kev Adams, et c'est ces mecs-là qui trustent. C'est qui font plusieurs millions d'entrées quasiment à chaque film. C'est des daubes. Les films sont totalement merdiques. Et t'as la France telle que les Juifs la rêvent, c'est-à-dire un Juif qui est au centre de l'État, produit par au centre du film, produit par des Juifs évidemment. Et puis autour, tu fais venir Jamel Debbouze. Omar Sy souvent. Omar Sy, Et ça, ces films-là marchent très très très fort. Hein. C'est indéniable. Ça, c'est le cinéma commercial français qui, ouais, pour le coup, là c'est vrai. Ça existe, ouais, tout à fait. Ouais. Même par rapport au cinéma franchouille des années 90-80, on va dire avec Clavier, Richard et Renaud, qui était pas forcément du grand cinéma, mais qui était du cinéma populaire. Par rapport à ça, il y a quand même une très très très nette baisse de niveau. C'est beaucoup moins drôle. Bah, il n'y a plus d'écriture, ça se voit. Ça sert plus à rien d'écrire. Ouais, non, mais les derniers films drôles français, c'était les deux OSS 117, en fait. Écrit par des Juifs. Faut pas non plus. Ils arrivent à s'en sortir, le public, c'est indéniable. Mais ce que je veux dire, c'est. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu aussi ? Ça, c'est caricatural, quoi. Ils se moquent même de la situation présente qui est tout sauf rigolote, finalement. Il y a une sémitisation de plus en plus forte des scénarios, etc. Bon, tout le monde peut le voir. Et si, effectivement, maintenant, un peu en plus avec YouTube, on peut voir beaucoup de films français. Alors là, vous avez, franchement, vous avez que l'embarras du choix. Vous pouvez aller dans les années 50, les années 60, les années 30, vous pouvez vraiment voir l'évolution du cinéma français. Vous regardez aujourd'hui les films des années 2010, waouh quoi. Et bon, je vais vous donner un exemple de voir de déchéance. Vous prenez une série télévisée, intéressant ça, parce que comment dirais-je, bon, en France il y a des séries télévisées bien sûr, mais là c'était plutôt un feuilleton télévisé, donc assez dans l'esprit des séries américaines qui font que fait HBO, etc. Donc c'est Les Rois Maudits. Donc Les Rois Maudits en 73, bon là vous avez, comment dirais-je, alors les livres avaient été écrits par Druon qui est un juif, c'est un fait, mais bon c'était quand même, il y avait une certaine qualité littéraire pour le style quoi, de scénario, etc. Mais la mise à l'écran est tout à fait réussie, c'était je crois les acteurs de la Comédie Française, etc. Bon. Avec et ensuite, Jean Pia, qui est vraiment Jean Pia. Ouais, bien sûr. Il fait le rôle de Robert d'Artois, qui voilà. Est exceptionnel. Et ils ont fait la version 2005, n'est-ce pas, avec Toreton, et la réalisatrice était une juive qui a une gueule de mec, enfin, c'est absolument horrible. Faudrait que je retrouve son nom, là. Attendez, José je fais une pause. Dayan. Ah, Dayan, voilà, c'est José Dayan, hein. Et c'est une catastrophe. Voilà. Qu'est-ce qui sépare les deux? Ben, 30 ans. Voilà, vous avez une trentaine d'années qui séparent les deux réalisations. Bah, regardez vous-même. Voilà, vous verrez. Alors, évidemment, vous regardez la version 73 de la série. Il n'y a pratiquement pas de décor. Enfin, on voit que c'est comme on faisait du temps de la télévision d'État française. Vous savez, c'est un plateau, des décors qui sont peints à la main. Voilà, hein. Bon, là, c'est en couleur, mais enfin, c'est fait avec très très peu de moyens. Donc tout est dans l'écriture, l'intensité du jeu et la finesse des acteurs, quoi, dans l'exécution du jeu. Et à contrario, la version 2005 de Dayan, bah là, il y a tous les moyens pratiquement, quoi. Et c'est une bouse, je vous assure, hein, c'est une bouse. Ça résume tout du déclin, parce que sur les deux mêmes histoires, à la fois dans la réalisation, dans les moyens mis en œuvre. Et dans le jeu d'acteur, c'est une catastrophe. Parce que Toreton, enfin, excusez-moi, quoi. Ouais, Toreton, qui fait le même rôle que Jean-Pierre, hein, celui de Robert d'Artois, est absolument nullissime. Ah ouais, il est nullissime. Ouais, c'est... Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Les Rois Maudits, c'est la principale influence de J.R.R. Martin quand il a fait Game of Thrones. Hein. Vous prenez Les Rois Maudits, vous rajoutez des putes, des dragons et des morts vivants, et puis vous avez Game of Thrones. Oui, non mais c'est même en plus comme quoi, on est quand même assez juste. Non mais Druon a bien écrit son truc, quoi. Donc ça fonctionne. Mais le jeu est extraordinaire. Enfin, Les Rois Maudits 73, faut quand même regarder le jeu d'acteur. Ce qui est très plaisant aussi dans la version 73, c'est que les acteurs français ont des visages français. Oui. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de Omar Sy en Arsène Lupin, quoi. Non, mais je vais aller même au-delà de ça. Ils n'ont pas des visages français, ils ont des visages racistes. Oui, c'est ça. C'est grâce à la couleur, vous pouvez voir les phénotypes des acteurs. Moi, je vous invite vraiment, ceux qui nous écoutent, vous connaissez pas cette série, vous pouvez la trouver. Alors, avant, à un moment donné, elle était disponible sur YouTube. Je crois qu'elle a été en partie suspendue, ce qui est inacceptable d'abord de la part de l'INA, parce que je veux dire, c'est le bien de tous les contribuables français quand même, l'INA, et il faut payer pour voir la version complète, incroyable. Mais vous pouvez voir quand même le premier épisode, me semble-t-il, et vous allez voir donc les monarques français, les princes français s'affronter les uns les autres donc pour le pouvoir, et vous allez voir les phénotypes des acteurs, et vous allez voir que ces acteurs ont tous des phénotypes nordiques. Et ce sont des acteurs français, hein. Il y a pas plus français. Mais vous allez voir les visages, les cheveux, les yeux, les regards, etc. Ce sont des phénotypes français. Ça fait du bien de voir des Français. Vous regardez aujourd'hui, de plus en plus, vous voyez. Alors, l'acteur, ça va s'appeler officiellement Potier, Camille Deschamps, tu vois. Puis tu vois que le type, tu te demandes s'il est pas né quelque part dans la banlieue de Tel Aviv, quoi. Il y a un problème, quoi. Entre temps, il s'est passé des choses, surtout dans le monde du cinéma. Et on voit la déchéance anthropologique du cinéma français. On le voit sur les acteurs eux-mêmes. Et dans les années 70, jusque dans les années 80, il y avait encore des acteurs français. Alors, pour la version 2005, ils ont poussé le vice à faire jouer Philippe Lebel par Chiki Karayo, qui est un séparateur de Turquie. Ils ont poussé le vice jusque-là, c'est ça les outrants. Ouais. Ouais. Mais on voit bien, hein, je veux dire, par exemple, je parlais d'Alexandre Astier, donc il a finalement réussi à boucler son film. Mais là, tu sens qu'il y a des jeux de pouvoir parce que c'est Kev Adams qui va jouer, comment dirais-je, je crois, le fils d'Arthur, je crois. Oui, ça va être une. Non, vous imaginez le de Viking 2, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous imaginez, bon. Enfin, moi, je suis passionné de la matière celtique et en plus de l'épopée arthurienne, du cycle arthurien. Voilà. De voir Kev Adams avec sa tête de demi-nègre séfarade jouer le fils d'Arthur, ça fait quand même un petit peu mal, vous voyez. Et en fait, Astier qui est pas du tout raciste, donc ne perçoit même pas cette dimension-là, mais quand bien même la percevrait-il, de toute façon, je pense qu'il a été rattrapé par les tribus qui tiennent le cinéma français, quoi. Je veux dire, mais peut-être que lui, ça ne lui pose peut-être même pas problème, hein, je veux dire, mais voilà. Donc après, on se retrouve avec des faciès infectes pour incarner la mémoire la plus longue, je veux dire, de l'Europe occidentale, qui est le cycle arthurien. Non, mais bon, tu vas voir. Bien, ça a l'air de rien, ça a l'air de rien, mais quand vous ajoutez ça à Nock, avec le sale nègre Omar Sy, au dernier film là, de Kechiche machin, où t'as des blanches qui se font pardonnez-moi l'expression, mais qui se font sauter dans des boîtes de nuit par des bicots, et voilà, et Astier qui va arriver avec le fils d'Arthur avec sa gueule de séfarade du Maroc, etc. Vous ne reconnaissez même plus l'Europe à travers le cinéma, voilà. Mais tu vois, la prochaine étape, pour moi, en fait, ça va être le film historique avec des personnages du type Camélia Jordana qui va faire Jeanne d'Arc, tu vois, ou telle actrice nègre. Ah oui. Ah bah attends, ça devait commencer, MacGyver, tu déconnes, hein, ils ont déjà fait un Jules César noir, alors tout est possible. Hein. Ouais, mais c'est pas encore français. C'est pas encore français. Bah, Astérix, bon, vous avez parlé une fois d'un héros finlandais, je crois. Enfin, il y avait oui, c'était le maréchal, ouais. Ouais. Bah, c'était un film avec que des nègres, quoi. Mais que des nègres, hein. C'était impressionnant, quoi. En France, on a quand même Philippe de Villiers qui nous soutient la Jeanne d'Arc métisse, Mathilde Guessaou, je sais pas quoi, la Guémassou, quoi. Donc finalement, le cinéma historique avec des nègres à l'intérieur, on n'en est pas loin, quoi, à partir du moment où l'extrême droite soutient les dix nègres. Ben oui, non, mais ça, j'allais en parler de ça. C'est ça. Finalement, même le film de Luc Besson, donc Jeanne d'Arc, nous paraîtra comme peut-être, somme toute, relativement réactionnaire comparativement, parce que, ça j'en suis certain, ils vont refaire un film sur Jeanne d'Arc. Je ne vois pas comment, en l'état actuel de la situation, compte tenu de l'état de submersion totale de la France, le mythe de Jeanne d'Arc ne va pas être très rapidement récupéré par les Juifs de manière absolument obscène. Donc j'attends, moi, j'attends le moment où un film sur Charles Martel, vous voyez, mais dans le rôle duquel, en fait, Charles Martel deviendrait une espèce de symbole de l'extrême droite, vous voyez, et où, en fait, les Arabes viendraient apporter, en toute empathie, la culture et le savoir de l'Orient, tu vois, et qui se ferait brutalement renvoyer par une brute hirsute et rassembler sa bande de néo-nazis pour le stopper dans la banlieue de Poitiers, quoi, tu vois. Franchement, c'est non, mais c'est garanti. Oui, c'est sûr. Ce que je veux dire par là. Oui, on tient un scénario. D'ailleurs, si Marc Bensoussan m'écoute, il peut reprendre l'idée. Franchement, la thématique de Charles Martel présenté comme en fait une figure maléfique et comme les Arabes une force bénéfique, ça peut être l'objet d'un scénario. Et vous pouvez refaire tous les mythes français comme ça, tous, sans exception aucune. Et je pense qu'ils attendent leur moment. Alors moi je parie une caisse de champ. Il faut parier là-dessus, sur le prochain film qui va venir. Ah, pas mal, et ça. Débouze en Napoléon, je le sens gros comme une maison. Mais vraiment. Ah, ils ont tenté Clavier, déjà, ça jurait. Hein. Mais il était pas si mauvais que ça, hein, Clavier. Il était assez bien. Le rôle... Alors non, je dirais pas qu'il était bon. Ah si, dans la mini-série sur Napoléon, il était pas mal. Ah non, je suis pas d'accord. Mais bon, ouais, on va pas. Bon, c'est pas grave. C'est les goûts, les couleurs, les gens divers, c'est pas le sujet. Mais je veux dire, oui, ça va arriver. Ça va arriver. Ok, je les vois bien tenter Gad Elmaleh dans le rôle de Napoléon. Je le vois bien, tu vois. Ah, c'est tout à fait possible. Ah ouais. Max Boublil. Ah, et il n'y a pas vraiment de film majeur qui a été fait sur Charles de Gaulle. Ah. Ça n'a pas été fait, hein. Ça n'a pas été fait, étonnant d'ailleurs. Mais de très bons téléfilms ont été faits. Ouais, mais bon, là, c'est pas comme un film. Ouais, alors là, du coup, Omar Sy, ce serait pas mal. Bah, il est déjà. Bah, tu rigoles, mais l'un des meilleurs films français que j'ai vu, c'était avec lui. Et il commandait un sous-marin nucléaire. Enfin, il commandait pas, il était. Ah oui, mais c'est le dernier officier film, de marine. Ça. Et le film était très bon, hein, et étonnamment pour un film français. D'accord, bon bah il faut. Oui, d'accord. Comme quoi, quand on est honnête, on peut admettre. Moi, je m'étais arrêté à Knock avec lui. Alors, le médecin de campagne avec une gueule de, comment dirais-je, de bantou. Il n'a pas une gueule de bantou, il a une gueule de sénégalais, mais bon, quand même. Oui, il fallait surtout une gueule à bouffer des cadavres. C'est sûr. Bon, oui, bon, bref, alors on a fait un. Bon, c'est une discussion à bâton rompu sur le cinéma français, mais. On pourra en parler pendant des heures et des heures. Ah, attendez, mais il y a une série récente, là, qui a plusieurs saisons déjà. C'est des nanas dans un lycée. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, ils sont en train de nous foutre de la super-héroïne partout, là. C'est les histoires, j'ai vu des extraits, hein. Donc, mais c'est dommage, je n'ai pas le nom de la série en tête. Alors maintenant, c'est les discussions, c'est des blanches qui discutent, qui se disputent avec des négresses parce que le nègre bourrique la blanche. Donc voilà, ça c'est. Ceci étant dit, je ne dis pas que c'est des exagérations. Hein. Je veux dire, je pense qu'effectivement, dans la France complètement sémitisée de 2019, ce téléfilm est finalement assez juste. Oui, c'est une série façon un peu plus belle la vie. Je crois qu'il y a un truc qui passe tous les jours. Je sais plus comment. Je sais pas si ça passe tous les jours. J'ai oublié son nom, c'est bien dommage, mais bon, voilà. Enfin bon, voilà l'état de la production de visuels française. Voilà. Donc on est parti du Festival de Cannes. Mais bon. Sur un side note, pour répondre à McDav, tu dis qu'il n'y a pas encore de film historique avec des nègres. En revanche, aux USA, ils ont déjà la série qui s'appelle Once Upon a Time, donc Il était une fois, dans lequel il y a bon nombre de. En fait, c'est un mash-up, c'est un mélange de plusieurs personnages historiques dans un scénario un petit peu bizarre, je pense. J'ai jamais regardé, mais les images sont assez connues, puisqu'en fait, il y a déjà Lancelot qui est un nègre. Il y a d'autres personnages européens qui sont incarnés par des métis et compagnie. Donc, la suite logique, c'est ce que tu dis, c'est le film historique véritablement avec ça, mais le premier jalon est déjà là, quoi. Parce que pour les gens qui n'ont pas de culture, qui sont cons comme des manches à balai, à partir du moment où ils regardent une série, même s'inspirant un petit peu de l'histoire, mais une série qui est sympa, qui est bien réalisée, et que les acteurs incarnant des personnages normalement européens, bah, si cette série elle est sympa, bah, ils vont pas forcément voir de problème à ce que un biopic sur un véritable personnage soit incarné par un nègre. Sauf si c'est Mandela qui est joué par un blanc. Oui, de toute façon, bon, y a quand même beaucoup d'indices. Il y avait eu le film indigène aussi, ça c'était pas mal. Comment dire ils n'ont pas parlé des viols de masse de blanches en Italie par les troupes d'Afrique du Nord d'origine maghrébine. C'est bien dommage. Ils ont été un peu pudiques sur cette partie-là. Problème de budget, j'imagine. Problème de budget, ouais, je crois. Il y a un truc qui va venir aussi, là, c'est Lord of the Rings en série. Version homo, non, c'est pas ça? Ah bah, il faut s'attendre au pire, parce que je pense que, vous voyez, bon, là, les hobbits, là, ils vont quand même être un petit peu de toutes les couleurs, des narines pas possibles, des faciès négroisés, enfin, ça va vraiment, je... Mais alors, si vous avez suivi pas Lord of the Rings, pas les trois premiers films, mais comment dirais-je, j'ai oublié le nom d'ailleurs de ça, le Hobbit. Il y a plusieurs moments dans le film où ils font intervenir des personnages carrément nègres. Donc et pourtant c'est Peter Jackson qui l'a fait. Donc vous voyez que la pression a été extrêmement forte déjà pour que le Hobbit soit un film multiracial. Ça, on l'a très bien vu. Il y a un, Enfin, ça c'est très clair. Et ça casse tout de suite. Pas tout, parce que les scènes sont très courtes. Et en fait, ceux qui veulent pas subir ça, en fait, ils prennent le film, ils le montent, ils coupent les scènes, et puis voilà. Et en plus, ça sert à rien. Mais par contre, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que pour le coup, la série qui va arriver, à mon avis, elle va être multiraciale. Enfin, ils vont nous faire la totale. Bah, mais alors, le Seigneur des Anneaux, c'est déjà multiracial. Disons que les nègres sont les orques. Attends, voilà, les gars, sans déconner, Amazon là qui produit la série, la future série qui va venir là, Le Seigneur des Anneaux, ils ont déjà dit, nous on en rigolait il y a quelques années, mais ils ont dit que c'était discriminant effectivement, comme tu disais, envers les orques, et qu'il fallait absolument faire un casting diversifié, tu vois. C'est pas bien normal sûr que les elfes ce soient des grands blonds blancs. Voilà, ils vont foutre des nègres partout, quoi, comme d'hab. Voilà, c'est ça, bien sûr. Et de toute façon, Amazon va regarder la politique de Amazon comme distributeur de notamment de livres, tous les livres identitaires sont en train d'être purgés sur Amazon aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en France, je ne sais pas si c'est encore le cas. Voilà, donc cette même entreprise, qui est une entreprise globaliste, évidemment, si elle produit des séries, avec toujours dans l'idée l'ingénierie sociale et raciale en tête, elle va promouvoir la société multiethnique, évidemment, bien sûr, évidemment. Et je veux dire, Tolkien, enfin la famille Tolkien a accepté de faire de l'argent là-dessus. Bon, déjà ça en dit long sur les héritiers en général. Et Tolkien, à mon avis, ne reconnaîtrait pas ce qu'ils sont. Bon, je vais un peu vite en musique, un peu vite en besogne, puisque on n'a pas vu le contenu, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Mais bon, voilà. Là où on a eu la chance aussi, c'est sur la série The Witcher, qui va sortir sur Netflix, parce que pour ceux, oui, qui ne connaissent pas l'univers de The Witcher, c'est une série polonaise en fait qui s'inspire bien évidemment de toute la littérature fantastique ainsi que les mythes européens en règle générale. Ça fait un très très gros carton sur PC et sur console parce que les jeux sont très très bien faits, c'est très prenant. Et il y avait eu en 2018 des rumeurs comme quoi effectivement il y aurait une négresse qui aurait joué le rôle de Ciri en fait, qui est la fille adoptive donc de Geralt dit The Witcher, et fait un tollé parmi les fans. Donc peut-être que suite à ça il y a eu des changements, mais croyez-moi que on n'est pas passé loin de la catastrophe. Oui, il y a toute une série de films, ouais, les films comme Thor, etc., effectivement. Le dernier Avenger, je ne sais pas si des gens ont été voir. Bon, la scène finale est assez explicite, hein, au plan racial. C'est quoi ? C'est la parodie, no spoil, là, ça ? Ah, je ne dis pas, là, je ne dis pas la fin, je ne vais pas spoiler, mais comment dirais-je ? Elle est assez explicite au plan racial. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je vous laisse regarder, j'en dirai pas davantage. Donc, non, on voit bien la direction, ça n'a rien de surprenant. Donc que ce soit les gros blockbusters américains, que ce soit, les séries, Game of Thrones, qui s'est terminé là. Moi, j'ai pas regardé Game of Thrones parce que c'est simple, j'ai essayé la première série, au bout du premier épisode, j'ai décroché. Je vous dis tout de suite, ça va pas plus du tout. Alors, Game of Thrones, c'est... En fait, ce qui est intéressant, c'est pas la série, c'est l'engouement autour de la série. Ah ouais ? Ah oui, c'est... Tu veux dire le phénomène de société, c'est ça qui t'intéresse ? Ah ouais, à partir de la troisième, quatrième saison, c'est devenu un truc planétaire, et finalement assez suivi par les gauchistes, alors que la série, au début, n'est pas forcément très très à gauche, et le dénouement, si tu veux, est extraordinaire, puisque... je vais divulgâcher, comme on dit. Mais l'égérie, ce qui a passé son temps pendant 8 saisons à sauver des nègres et des métèques, décide de génocider la partie, on va dire, occidentale. Les blancs, ouais. De l'univers, voilà. C'est assez extraordinaire. Non, mais c'est pas par hasard parce que les scénaristes sont des juifs. Je pense que les scénaristes ont fait n'importe quoi. La fin de la série était. C'est un grand n'importe quoi en fait, hein. Ça part dans tous les sens. C'est vrai que bon, tu avais la sauveuse des nègres, si les juifs étaient cohérents, ils en auraient fait une héroïne, tu vois. Bon, ils auraient fait les autres faire en sorte qu'elle soit la clé de voûte de la parodie post-raciale, mais ça n'a pas été le cas, quoi. Alors, je vous propose. Ouais. C'est fantastique parce que t'as des milliers de. Enfin, des milliers. Je crois qu'aux États-Unis, il y a 150 couples qui ont donné comme prénom à leur bébé le fameux nom de cette gonzesse qui s'appelle Daenerys. Et il s'avère que c'est une voilà c'est vraiment en fait le méchant du film alors qu'elle a été présentée donc je ne sais pas si t'imagines le niveau de dissonance cognitive de ces gauchistes qui ont parce qu'en fait ils sont attachés à cette gonzesse parce que comme je te dis elle passait son temps à libérer des esclaves et finalement non il s'avère qu'elle est pire qu'Hitler et qu'en plus de ça à toute fin de la série tu as carrément une scène. Je rappelle les heures les plus sombres avec un gros drapeau affiché avec des couleurs noires et rouges. Enfin, c'est assez fantastique. Hein. Ils ont peut-être voulu faire une expérience en temps réel. C'est bien à l'image des Juifs, c'est-à-dire on va démontrer que les masses peuvent être manipulées, être hypnotisées par un leader charismatique, machin, qui en fait est un monstre qui révèle son vrai visage. Machin. Enfin, j'ai pas pu voir la série, mais j'imagine très bien. Ces scénaristes juifs là, ils sont au moins deux. Oui, il y en a plusieurs, mais je veux dire, il y a au moins ces deux-là. Je les vois très bien se dire, allez, on va bien se foutre de la gueule de ces goyes et leur montrer qu'ils peuvent être aisément manipulés, tout aussi bien manipulés que du temps de l'Allemagne hitlérienne. Enfin, je les vois tout à fait se livrer à ce genre d'expérience, hein, tout à fait, pour se payer la gueule de leur public, pour leur dire, bah, vous voyez, hein, d'un point de vue antifasciste, vous êtes toujours aussi nuls. Voilà, vous ne serez jamais aussi lucide sur ces questions, vous ne ferez jamais preuve d'autant de vigilance et de prudence que nous, la race élue, qui sommes consubstantiellement moraux. Ah, j'interpréterais assez volontiers cette fin comme ça, mais je ne l'ai pas vue, donc là c'est simplement moi qui me permet cette liberté, quoi. Voilà. Mais bon, je pense que pas mal d'auditeurs en regardaient, j'en sais rien. Donc, je sais pas. Moi, j'ai pas adhéré. Premier épisode, deuxième épisode, j'étais là, oh là, pff, non. C'est dans quel épisode qu'on voit Daenerys, l'Aryenne typique, se faire dépuceler par un viol en levrette par un métis hawaïo-nègre. C'est la première saison. Ouais. Mais c'est à quel moment dans la saison? Parce qu'en fait, pour moi, ça a été vraiment le moment où je me suis dit ça va pas être possible, en fait. Je sais pas, moi j'ai pas vu ça donc. Non, mais c'était vraiment Game of Thrones, ça a été fort sur plein de plans. Et je sais que personnellement, moi je connais des blanches, hein, des bonnes Aryennes, qui ont été profondément impactées par cette scène-là et qui m'ont avoué que ça les avait fait mouiller quoi. Et donc du coup. Oh putain. Voilà. Notamment une petite anglaise qui finalement s'est trouvée un espèce de réfugié syrien dégueulasse ressemblant plus à un rhum qu'autre chose. Tout ça parce que bah, tu comprends, Game of Thrones, voilà. Eh oui, les médias juifs. Bon, on fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Crying and wishing you dreamt me. would be ugly. They could sedate you, but what good would drugs be? And I wouldn't touch you, put my hands on your hips. It would be too much. Nous revoici pour cette émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 21. Je vous propose d'embrayer avec la rubrique suivante, rubrique numéro 5, le sale juif de la semaine. Quand même, parlons un peu des juifs. Alors, mes amis, c'est une affaire rocambolesque que nous apprend Le Parisien cette semaine. Et, somme toute... Je la partage tout de suite avec vous et vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. Hein ? Ça se passe dans l'Essonne. Et voici l'article en question. Dans une maison découpée en plusieurs chambres sur le plateau de Savigny-sur-Orge, donc dans l'Essonne, comme je le disais, une dizaine de prostituées sud-américaines enchaînaient les passes depuis 2016. 6 proxénètes ont été interpellées et près d'1 million d'euros d'avoirs criminels devraient être saisis. Les victimes ne parlent presque pas français. Elles préfèrent de toute façon rester discrètes. Une dizaine de prostituées sud-américaines venues de Colombie, République dominicaine et du Brésil referment la porte quand des voisins ou des amis d'Albert viennent demander de ses nouvelles ce jeudi midi parce qu'on ne l'a pas vu au café ces derniers jours, indique l'un d'eux. Et pour cause, depuis lundi matin, Albert, un habitant de la rue Pierre Brossolette, est placé en garde à vue. Car dans sa maison cubique, implantée au milieu d'un quartier pavillonnaire, sur le plateau de Savigny-sur-Orge, il était chargé de la surveillance des filles qui enchaînaient les passes dans les 8 mini-studios aménagés. L'exemple type de cette prostitution 2.0 qui n'est désormais plus cantonnée à la rue. 5 autres de ses complices accusés de proxénétisme ont aussi été interpellés par les enquêteurs du commissariat de Savigny-sur-Orge et de ceux du GIR, du groupe interministériel de recherche. Plus d'un million d'euros d'avoirs criminels ont été identifiés et devraient être saisis, dont la bâtisse de Savigny, mais aussi une luxueuse villa avec piscine au sud du département, où vivait l'un des chefs de ce réseau. 2 véhicules haut de gamme sont aussi concernés, et près de 250 000 euros en liquide retrouvés lors des perquisitions et sur les comptes en banque des mises en cause. C'est un réseau très important qui travaillait depuis longtemps sur le secteur, martèle une source judiciaire. Depuis fin 2016, les policiers montent leur dossier après que des riverains, repérant de nombreux allées et venues et suspectant un trafic de stupéfiants, ont alerté les policiers. Mais les fonctionnaires qui interviennent un soir sur un différend conjugal dans la maison découvrent rapidement qu'il s'agit en fait d'un lieu de prostitution et d'un conflit entre un client et une prostituée. Dans ce réseau, les rôles sont bien définis. Un chef organise tout depuis la villa, Un homme est chargé de la sécurité et reste dans le pavillon dédié à la prostitution. Un homme est chargé de l'intendance, il publie les annonces sur les sites internet. D'abord Viva Street, puis plus récemment, Wannonce. Ils ne donnaient pas leur adresse exacte, mais la mienne, souffle un couple vivant à quelques maisons de là. On voyait souvent des gens devant chez nous, et j'ai vite compris pourquoi certains hommes me regardaient bizarrement lorsque je faisais du jardinage. Une fois l'un d'eux est rentré chez moi car j'avais laissé le portail ouvert. Il s'est décomposé quand il a compris que ce n'était pas le lieu qu'il cherchait. Les clients ont en général pour consigne de ne pas sonner à la porte, mais de téléphoner au numéro de l'annonce. Cela permet à la chef des prostituées, qui est aussi celle qui recrute en Amérique latine, depuis la maison de voir si le client est seul. Elle le guide ensuite quelques mètres plus loin à l'entrée de cet hôtel de passe où la prestation est facturée de 20 à 150 euros. L'activité générait d'énormes revenus et une trentaine de téléphones portables ont été retrouvés ainsi que près de 15 000 euros en liquide provenant vraisemblablement des passes effectuées durant le week-end. Une partie de cette équipe sera déférée ce vendredi au tribunal d'Evry en vue d'une probable comparution immédiate. Alors voilà tout ce qu'on sait de la part du Parisien qui nous explique donc qu'un certain Albert, mystérieux, propriétaire donc de ce pavillon, où se déroulait donc l'activité décrite par le Parisien avait lieu donc voilà. Bon. Alors moi et en creusant un peu plus. Oui. Alors, excuse-moi mais avant que tu ailles plus loin hein, Gandalf, j'ai envie de te dire je suis scandalisé par cette oppression patriarcale du privilège blanc. Hein. Albert, arrête. Oui. Arrête Albert. Oui, Albert, oui, effectivement, encore un prénom de souche qui sonne bien français. On voit la mécanique, on voit la mécanique se mettre en place, tout à fait évidemment. Alors, il y a un lecteur de Démocratie Participative qui nous a alerté et qui nous a donné des pièces complémentaires avec cette affaire, et on l'en remercie. Il nous a dit, en fait, si on va sur un site de location de particulier à particulier, dont je ne donnerai pas le nom, c'est pas nécessaire, on trouvait effectivement une annonce dans l'Essonne, pour une location à Savigny-sur-Orge, rue Brossolette, comme c'est expliqué, avec les tarifs, les détails sur les pièces, etc. Et donc le nom et le numéro de téléphone de celui qui voulait les louer du propriétaire. Et on avait donc le nom de monsieur Albert Zadjerman. À tes souhaits. Hein. Qui n'est pas alsacien du tout. Tu es sûr qu'il n'est pas germain, non ? Je ne crois pas qu'il soit allemand, et je vais vous dire pourquoi, parce que le courrier Picard a quelques petites informations complémentaires à nous livrer. Alors, je vous les donne. Et alors, ça n'a vraiment rien à voir de prime abord, mais vous allez voir que peut-être quand même. Bon. Alors, le courrier Picard. Jacques Hubert est décédé mercredi 30 mars dans sa 94e année. C'est le dernier juste des Nations de la Somme, un titre qu'il s'est vu remettre en 2001. Avec sa compagne, il lui arrivait de rendre visite aux écoliers, aux collégiens, pour narrer sa Seconde Guerre mondiale aux jeunes générations. Il avait 22 ans et vivait chez ses parents quand Clovis et Blanche, c'est leur nom, ont accueilli deux Juifs, Albert et Suzanne, à la demande de la grande sœur de Jacques, Paulette, qui vivait à Paris. Ainsi, les deux petits Zadjerman ont échappé à la terrible rave du Veldiv en juillet 1942, où plus de 13 000 personnes, dont près d'un tiers d'enfants, ont été arrêtées à Paris et sa banlieue, puis presque tous assassinés. Oui, c'est... Hein, les chambres à gaz, ils ont tous été assassinés avant d'avoir ressuscité, tous, hein, comme Simone Veil. Voilà, oui, Simone Veil, par exemple, effectivement. Albert, miraculé des chambres à gaz. Ah oui, bon, voilà, donc ça continue, voilà, bon. Donc, Albert Zadjerman, en fait, parle ensuite en courrier Picard et dit à quel point il est ému d'apprendre le décès de donc du juste parmi les goyim, hein, qui a donc fait œuvre de charité en sauvant la peau d'un futur proxénète. Hein, c'est ça qui se livre à la traite des Blanches. Alors, la traite des Blanches, pas si blanche que ça, du coup. Puisqu'effectivement, maintenant, Albert, qui est un solide octogénaire, générait des sommes absolument énormes en important des esclaves depuis l'Amérique du Sud. Bon, le truc intéressant depuis l'Amérique du Sud, c'est comment on est sûr qu'elle soit catholique. Donc voilà, ça c'est au moins c'est garanti. Où on pouvait ensuite les enfermer entre quatre murs pour en fait les rentabiliser. Voilà. Ça ressemble un peu à ce qu'on nous décrit de la déportation, d'ailleurs, c'est étonnant. Un petit mot sur Albert Zalgerman, dont très curieusement le Parisien n'a pas jugé utile de nous donner le nom de famille. Je suis quand même assez frappé par ça. Aurait-on cherché à cacher quelque chose ? Peut-être que si Albert avait été victime d'une agression, de droit commun, c'est-à-dire que quelqu'un, un habitant lambda de l'Essonne, hein, c'est ça, je crois que c'est l'Essonne, me semble-t-il. Si un habitant lambda de l'Essonne l'avait agressé, je ne doute pas que son passé de survivant de la Shoah, des chambres à gaz sans même avoir mis les pieds. Le rafle du Veldiv, les rafles. Le type étant resté dans une cave. C'est un principe assez intéressant, hein, le survivant des camps sans avoir mis les pieds. 2019, décidément très surprenante. Hein. Il a survécu à l'Holocauste à la campagne, en fait. Oui, c'est comme les Séfarades qui ont survécu à la déportation en restant en Afrique du Nord, tu vois, c'est... Oui. Voilà, c'est un petit peu pareil, hein. Et bon... Enfin bon, qu'est-ce que ces notions vagues de géographie ont à voir dans cette histoire? Alors, je vais rebondir aussi sur la notion que tu as évoquée, c'était les justes parmi les goïms, hein, les goïms, oui. Ce sont les non-juifs, ce sont les nations... Les esclaves, aussi, quoi. Oui. Les nations, les esclaves... le bétail aussi, hein, c'est parce que bon, les goïms sont semblables au bétail. C'est un peu pareil. C'est-à-dire, c'est le bon bétail. Oui. Je crois qu'il est temps quand même, hein, dans un siècle où nous progressons de manière, quand même, hein, nous avons une évolution intellectuelle, un rapport à l'histoire qui n'est plus aussi passionné. Il est temps de ne plus appeler faire la lumière, tu veux dire ? Oui, de ne plus appeler ces gens des justes parmi le bétail, mais de les appeler des criminels qui ont empêché la justice d'avoir lieu. Hein, voilà. Oui, tu veux dire effectivement qu'ils ont protégé. Oui, là c'est le cas de le dire, des proxénètes, des escrocs, oui, des criminels, oui, des terroristes, des juifs. C'est quand même fascinant ça. Alors, hein, ils ont, grâce à Hubert, Albert a pu, réduire en esclavage des gonzesses d'une favela d'Amérique du Sud. Non, c'est une leçon quand même. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus il y a le facteur migratoire dans le truc qui est joli quand même dans la parabole, je trouve. C'est bien. Oui. C'est quand même, il a quand même, comme tu l'as remarqué, il a quand même une subtilité, si tu veux, quelque chose de vraiment de touchant. Il est allé prendre des sud-américaines, effectivement, qui sont toutes issues de familles catholiques. Voler les filles de familles catholiques et les envoyer se faire bourrer par tout ce qui peut passer par l'Île-de-France. Oui, c'est intéressant. C'est un projet, ma foi, humaniste. Je pense qu'Albert a déjà sa ligne de défense en disant qu'il a voulu les sortir de la misère. Je pense que c'est tout à fait clair. Il devrait s'inspirer de Patrick Balkany parce qu'il y a une défense en ce moment. Oui. La France ne va quand même pas faire le procès des Juifs après la guerre. Enfin, je veux dire. Voilà, hein, ça serait quand même problématique. Donc. Il faut expliquer ça. On est un peu ironique. Alors Balkany, là, comme on en a parlé, il est en procès actuellement. Alors comme on questionne en fait l'origine de sa fortune absolument mirobolante, le liquide coulant partout, mirobolante, etc. Tout de suite. On en a parlé la semaine dernière, mais alors... Un million par-ci, par-là, quand même. Voilà, qu'est-ce que c'est alors, mais il a sa ligne de défense, maintenant il dit, puisqu'on l'interroge, d'où vient votre fortune, votre père avait combien de patrimoine, d'où ça provient, est-ce que vous pouvez prouver l'origine de ses avoirs, etc. Il dit, mais vous n'allez quand même pas faire le procès des Juifs qui ont survécu à l'Holocauste. Enfin, il a dit tel quel, hein, dans la presse, hein, c'est à la fois la barre et dans la presse, et donc en fait il essaye de présenter son procès en escroquerie comme étant un procès inique des survivants de l'Holocauste. Hein. Encore des survivants. C'est-à-dire, ça survit. Hein, ça survit beaucoup. Moi, ce que je trouve formidable, c'est la fameuse reconnaissance sémitique. Et je ne dis pas juste juif, je dis sémitique. Parce qu'en fait, on a une prétendue Shoah, des massacres, des machins, des trucs comme ça, dans le cas des juifs. Mais dans le cas des Bougnoules, on a aussi ces gens qui viennent de pays merdiques, qu'on a sortis de l'ornière en y envoyant des blancs pour y travailler pendant plusieurs décennies et qui finalement nous foutent dehors. Et quand ils viennent ici, au lieu quelque part de se montrer reconnaissants de leur situation personnelle, c'est-à-dire être sur le territoire, dans les deux cas, ces deux communautés-là, qu'est-ce qu'elles font ? Ben, elles commettent des crimes, quoi. Donc, t'as les juifs, oui. Les mecs qui nous enculent par le haut, c'est-à-dire avec les taxes à la con, avec les lois antiracistes, avec les officines mécoumiquées, et t'as leurs cousins du désert qui, eux, font quoi ? Violent nos meufs, vendent de la drogue, tuent nos vieux, agressent, harcèlent. Bon, t'as envie de dire. Je crois qu'il n'y a pas plus reconnaissant sur Terre que les sémites. Oui. Merci, merci les sémites. D'où l'importance de renforcer la lutte contre l'antisémitisme. Oui, tout à fait. Alors, pour aller dans le sens de ce que dit Captain, enfin, il faut quand même comprendre une chose, c'est que les sémites, hein, surtout les Nord-Africains, leurs villes ont été... ont été bâtis et conçus par des Européens. Hein. Donc, s'ils arrivent à marcher dans la rue sans avoir 40 cm de merde quand ils sortent de chez eux, hein, sur le trottoir, ça n'est pas de leur fait. Hein. Ça vient de plus haut, hein, ça vient du nord. Voilà. En tout cas, Albert Salzerman, victime d'un procès, hein, un nouveau procès d'un survivant de l'Holocauste sur fond d'antisémitisme, hein, de vichisme larvé, très clairement. Voilà, vous essayez de sortir des filles de la merde, on vous crache à la face. Voilà. Voilà ce qui se passe dans cette France rance et pétainiste. Voilà. Ça servira de leçon. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire, moi. Messieurs, je vous propose de passer au sujet suivant, discussion thème de la semaine. Finalement, ce sont les élections européennes, hein, on ne peut pas trop faire l'impasse, puisque c'est un peu l'événement politique de cette semaine. Peut-être avant de discuter... on va déjà commenter peut-être les résultats. Bon, on va peut-être procéder comme ça. J'ai les résultats en tête là, mais je les regarde, je les observe, et de toute façon, je parle sous le contrôle des participants, de nos démocrates participatifs. Alors, en substance, nous avons en tête le Front National, que l'on donne aux alentours de 23-24%, si je ne m'abuse. On a La République En Marche, donc les macronistes, qui rassemblent 22% environ, à voir si ce sont les résultats définitifs. La troisième force qui se dégage semble être les écologistes, d'extrême gauche, EELV, hein, Europe Écologie Les Verts, qui se situe environ à 12%, 12,5%, 12%, bon. Et ensuite, vous avez donc les partis en dessous de la barre des 10, de la barre symbolique des 10%, que sont les Républicains, assez surprenant, ils étaient donnés pendant très longtemps dans les sondages aux alentours de 13%, parfois même à 15%, et en fait ils seraient situés à 8%, leur ancien... intéressant parce que les Républicains ont longtemps été le principal parti de droite, affrontant le principal parti de gauche qui était le Parti Socialiste, qui lui aujourd'hui avec à sa tête Glucksmann a fait 6%, donc LR 8%, PS 6%, et ensuite tous les petits partis, les micro-partis, on note l'échec, hein, de Nicolas Dupont-Aignan, qu'on donne à 3,5, donc il n'aura pas de député, le parti communiste de l'homosexuel juif communiste et marxiste, lui il coche toutes les cases, lui pour le coup il est bon pour la Pologne, hein. C'est Yann Brossa. On peut noter aussi l'UPR à 1%, bon, abonné ou 1%, voilà, 1%. Philippot, je ne sais pas, ça doit être insignifiant, il n'est pas mentionné. Puis, bon, probablement d'autres. Oui, Benoît Hamon, qu'on donne à 3 ou 3,5% à égalité, quoi, avec Debout la République, avec un gros forcing qu'il a exercé ces dernières semaines, on en a parlé, la campagne sur la kebabisation. Benoît Hamon s'est revendiqué de la kebabisation joyeuse des rues de France. Voilà. Oui, il a clairement fait campagne pour l'islam. Enfin, parce que j'ai bien aimé la franchise de Benoît Hamon. J'ai un peu regretté son refus de se convertir. Bon, faut être patient. C'est un travail sur soi. Ça viendra. Ça viendra. Oui, voilà. oui, c'est quand même dommage de manger du kebab en plein ramadan à midi. Voilà, ah non, mais quand tu devras se présenter, je ne sais quelle élection, non, même pas une petite élection locale, conseiller départemental, voire maire, pour mendier une présence dans une liste islamique, là il se convertira. C'est-à-dire, la shahada, faut la négocier au bon moment. Bon, d'accord, soyons patients alors. Alors, messieurs, là j'ai fait le tour à peu près des principales forces, il y a aussi des partis européens, mais ça. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Je vais simplement prendre vos réactions, voilà, à chaud. Finalement, bon, ce qui était un peu annoncé ces derniers jours dans les sondages s'est révélé à peu près vrai. Alors, il y a, comme on dit, LR, c'est un peu la surprise, c'est-à-dire que les Républicains s'effondrent à l'occasion de ce scrutin-là, mais globalement, bon, le tiercé d'arrivée est à peu près respecté, en tout cas pour les deux principales forces politiques. Qui veut répondre ? Bon, allez, on peut parler un peu déjà du Rassemblement National. Bon, moi, je suis... Bon, vous savez, ici, on n'est pas trop pro-Rassemblement National, hein, parce qu'ils ont quand même donné des gages de respectabilité à la juiverie qui sont un peu trop forts. Mais bon, Bardella, c'est l'air d'être un chic type. Déjà, c'est un jeune, donc c'est assez sympa. Il a pas l'air trop con, il communique bien, il est bien mieux communicant que Marine Le Pen, mais ça, c'est pas difficile à faire. Donc, quelque part... Bon, je suis assez mitigé sur le Front National, mais quelque part, si c'est Bardella qui en ressort, ok. On note quand même que là, ils sont environ à 24%, le Rassemblement National. C'est exactement le même score qu'ils faisaient aux précédentes européennes. On va sûrement avoir l'occasion d'en reparler ici dans l'émission, mais la dédiabolisation, comment dire, faut qu'on arrête. Hein. Faut qu'on arrête ces conneries-là. Ça sert à rien, déjà, pour commencer. Ça ne rapporte pas plus de voix, et puis à la fin, bah, vous finissez avec un Rassemblement National. Bah, ok, Barda, il est cool, mais enfin, si jamais c'était un programme national qui devait être appliqué, c'est très... En fait, voilà, on l'a déjà dit ici dans l'émission, mais le RPR de l'époque et le Rassemblement National, c'est un peu kiff-kiff, quoi. Donc, il nous faut rire avec l'extrême droite, etc., parce que les gauchistes aiment bien tirer la sonnette d'alarme, si c'est entendu. Mais bon, voilà, dédiabolisation, faut qu'on cause de cette connerie-là parce que c'est sans fin. Ils ont essayé de faire des campagnes de diffamation durant les européennes pour dire en gros que le Rassemblement National c'était les nazis, donc ça nous fait bien rire. Marine Le Pen qui aurait fait un salut suprémaciste parce qu'en gros elle s'est touché l'index et le majeur, entre guillemets. On peut parler aussi peut-être un peu de Renaud Camus, on peut en parler ? Non, on va rester focalisé d'abord sur les résultats. Donc, comment dire, qui veut réagir autrement sur les résultats là, qu'on a eus là ? Oui. Alors, sur les résultats, non, mais sur ce que vient de dire Pierrot et sur les élections en général, je veux bien. Le truc, c'est qu'effectivement, Pierrot, déjà dans l'émission, ça fait depuis le début qu'on dit que la dédiabolisation, c'est de la merde. On l'a tous dit personnellement auparavant, déjà depuis très longtemps. Certains au sein des FN, des militants, le savaient déjà, mais bon, le problème, et c'est pour ça que moi je ne vote plus FN, c'est que c'est un parti de merde qui ne fonctionne qu'au réseau, comme les autres partis de toute façon. On le voit bien, ceux qui sont mis en avant, ce sont les gens, compétents ou non, qui sont issus du sérail parisien. Donc, il n'y a pas de méritocratie. Donc déjà, pour moi, je vois mal ça, je vois mal ce parti pouvoir représenter nos idées. Et il y a autre chose, moi, qui m'insupporte. Bon, outre le fait que Bardella, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré, mais je suis en passif avec lui, ainsi qu'avec Bétèche, et je peux pas piffrer les deux, en fait, parce qu'ils étaient cons comme des manches à balai. Donc apparemment, Bardella s'est amélioré. C'est surtout que, si on fait... Alors, oui, c'est pas la même situation, mais si on fait une comparaison entre Adolf Hitler le parti national-socialiste, et maintenant le RN. Bon, à l'époque, Adolf Hitler et ses comparses, ils gagnent le pouvoir. Mais ces gens-là, ils ont mérité, en fait. C'est-à-dire que ces gens-là, ils n'ont pas compté sur d'autres personnes pour faire pencher en leur faveur la balance politique. Ces mecs, ils sont tous allés au charbon. Ils ont été blessés, ils ont combattu dans les rues, les communistes. Ils ont mené eux-mêmes le bal et ils ont défendu leurs idées. Alors le problème que j'ai, moi, avec le RN, c'est que ces gens-là, si un jour il y a un changement véritablement de paradigme en France, ça ne sera pas de leur fait. Ceux qui vont avoir contribué le plus largement à ce changement de paradigme, ça sera l'équipe de DP, par exemple. Tous les autres nationalistes, ceux qui sont bien sûr sur une ligne cohérente, qui auront aussi, eux, dans leur coin, touché des personnes, avec le vocabulaire qui leur est propre, que ce soit sur le net ou IRL. Mais c'est vraiment nous, quoi. On ouvre la fenêtre d'Overton. Le FN ne fait pas ça du tout. Et moi, j'ai un problème avec ça. C'est un petit peu comme les gens qui vous vendent le retour du roi, sachant que le roi, c'est un banquier. Ouais, tu veux le retour du roi? Le roi, il a intérêt à chevaucher sur son putain de cheval, comme Aragorn, et à venir foutre des branlées aux antifas, ou aux connards qui sont au gouvernement, et prendre le pouvoir manu militari ou politiquement. Je veux dire, le mec, il a intérêt à le mériter, son trône. Sinon, il ne mérite pas. Et s'il ne mérite pas, il n'est pas roi. Bon, pour moi, c'est ça le problème. C'est-à-dire que le jour où on verra autre chose que des connards au FN qui sont bien confortablement assis dans leur circonscription, qui font pas trop de vagues, qui sont contents, parce que en fait quelque part les gars du FN c'est des bourgeois comme les autres. La plupart, dans les militants, je parle pas les militants, ils ont des convictions, mais les autres, ça fait, il y en a plein, ça fait des années qu'ils sont en poste et qui mouftent pas et qui disent amen, béni oui oui à tout ce que dit la Malika Le Pen, quoi. Donc que le RN aille se faire enculer. Moi, j'ai qu'une seule hâte, c'est que ce parti cesse d'exister. Malheureusement, c'est mal barré, parce que tant qu'ils seront là, il n'y aura pas de force véritablement alternative. Puisqu'en plus, c'est quand même souhaité par les gouvernants, hein, que le FN existe, parce qu'ils sont facilement contrôlables, quoi. Donc voilà, qu'ils aillent se faire enculer. Et pour moi, c'est pas ça, c'est pas le RN qui pourra incarner nos idéaux. Oui, je vais revenir très rapidement sur les résultats. En fait, il n'y a rien de surprenant. C'est même très très attendu comme résultat. Macron a une base qui est quasiment inexpugnable, entre 20 et 25% de un mélange de boomers, de managers, pour moi la chienlit d'humanité, hein, c'est de la merde, ces gens-là sont vraiment le plus bas de l'humanité. Je préférais encore un mélenchoniste qu'un macroniste, à titre personnel. Le Rassemblement National, en fait, Marine Le Pen est dans une situation très confortable, elle a rien à faire. Elle arrive à placer une vingtaine de types, à être en tête. Elle aurait pu faire 10% de plus, minimum, en faisant une campagne. C'est la raison pour laquelle j'ai voté pour Vauquelin, parce que bon, au moins il propose quelque chose, même si effectivement il a une chance dérisoire de me présenter ne serait-ce qu'un député, enfin lui en l'occurrence, mais ça n'a pas d'enjeu. Je veux dire, ça nous permet juste de voir, et encore, avec pas mal de biais, parce que en fait les gens qui se déplacent aux européennes, c'est vraiment des catégories très particulières de la population. Donc c'est rien. Disons, on a un petit instantané de la situation politique du moment. Mais pas plus que ça. Il n'y a eu aucun enjeu. Le Parlement européen a un enjeu très très faible. La seule chose qui pourrait être intéressante, c'est de voir éventuellement se constituer un groupe de véritables nationalistes au niveau européen. Donc il faudra regarder ce que proposent nos amis slovaques, ce que proposent nos amis italiens, éventuellement ce que pourrait faire l'AFD, Vox. Voilà, ça c'est intéressant. Après, t'as raison, Hauptmann, ce serait génial de voir en fait, un petit peu comme ce qu'on voit en Hongrie, un parti de centre-droit qualifié d'extrême-droite qui est le Fidesz de Orban, qui a à sa droite un parti national, un vrai parti nationaliste, qui est le Jobbik. Ah, plus maintenant, ça a changé. Oui, ça, c'est le vrai. Jobbik, c'est vrai. T'as raison. Mais essayer en fait de décentrer, enfin de déséquilibrer un gros parti en modifiant en fait le point d'équilibre, c'est ça qui est intéressant. C'était le seul éventuel enjeu de ces élections, mais c'est très très faible finalement. Alors, qui d'autre? Bon, sur les résultats, tu veux dire, c'est ça? Bah ouais. Bah écoute, au niveau français, tout ce qui est plus ou moins, hein, alors quand je dis plus ou moins, c'est avec des grosses guillemets et des grosses réserves, c'est en gros à 35% à droite, donc à droite de Macron. Bah écoutez les gars, au niveau électoral c'est mal barré, hein. Les bougnoules continuent à bougnouler, à faire des gosses et compagnie. Enfin, je crois que j'avais évoqué l'étude de Gourevitch, hein. Avait fait une étude qui était, ma foi, assez optimiste sur les l'évolution des populations métèques et la façon dont ils votent. Les blancs doivent voter à 60% pour un candidat pour que celui-ci atteigne une majorité dans le pays. Donc voilà, on est à un truc de droite qui n'est même pas de droite, qui est à la moitié. Donc c'est de la merde. Voilà, c'est nul. Alors moi, ce que je vais dire là-dessus, bon, moi de toute façon, je suis pas. Enfin, je suis pas un fan d'élection déjà en tant que tel, et pour m'enthousiasmer au plan électoral, il faudrait une force politique qui propose quelque chose qui soit réellement intéressant. Et je ne parle même pas d'idées en réalité, je parle surtout d'hommes. Il faudrait vraiment qu'il y ait une formation avec des gens d'une réelle qualité pour déjà m'intéresser, m'enthousiasmer. Mais je pense que c'est contradictoire avec le système démocratique et la démocratie elle-même. C'est-à-dire que pour moi, la démocratie tire l'être humain vers le bas, parce que le plus petit dénominateur commun, c'est la masse. Donc, plus une démocratie dure, plus la qualité du matériel humain baisse, par définition, parce que le propre de la démocratie, c'est de mettre au pouvoir des gens toujours plus médiocres, élus par d'autres gens encore plus médiocres, et que, on ne s'élève pas avec le poids, c'est l'inverse. Donc voilà, c'est lourd, donc ça tire vers le bas, et plus ça tire vers le bas, plus c'est médiocre, etc. Donc on est dans cette spirale-là, et donc il faudrait un miracle ou un ensemble convergent de circonstances pour changer cette donne. Donc déjà, voilà en tout cas, moi, la façon dont j'aborde les élections en général, celle-là comme les autres. Ceci étant dit, bon, le résultat du FN, est-ce qu'il est bon? Ben là aussi, c'est une question, c'est relatif. Parce qu'en fait, il est inférieur à celui de 2014. En 2014, le Front National avait fait 25%. Et en 2014, il n'y avait pas eu le cataclysme migratoire brutal qu'on a vu surgir en Europe. Il y avait bien évidemment déjà en France une immigration massive, une véritable colonisation, un déferlement, mais qui n'avait pas eu la dimension vraiment dramatique de celle de 2015, enfin de la catastrophe migratoire de 2015. Donc on aurait pu voir, avec toutes ces implantations extrêmement violentes de migrants un peu partout, peut-être un rassemblement national, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, changer la donne. Donc je note au passage d'ailleurs que le changement de nom voulu par Marine Le Pen ne sert à rien. Voilà. Ça vaut le coup de le dire quand même. Voilà. C'est un changement de nom inutile, encore une idée à la con. Donc en fait, c'est moins bien. Voilà. Première chose, c'est une performance qui est moins bonne que la précédente. Ensuite, puisque je parle de termes relatifs, c'est une compétition, donc il faut regarder ce qu'ont fait les autres formations. Bon, ben, Emmanuel Macron, face au Front National, finalement, s'en sort très bien. Enfin, le RN, plutôt. S'en sort très bien. 6 mois de gilets jaunes, 22%. Bon, il a une base de loyalistes qui ne l'abandonnent pas, peu importe ce qui se passe. Et ces gens-là, ces loyalistes-là, sont des gens du système, dont le succès de Macron est pour eux extrêmement important, puisque c'est leur propre succès. Voilà, donc c'est le noyau dur de ceux qui contrôlent le système actuellement. Voilà, il y a eu de nombreux appels à voter en sa faveur, notamment du CRIF. Hein, les Juifs ont appelé bruyamment à voter pour Macron, ce ne sont pas les seuls. D'ailleurs, il s'est choisi comme porte-voix Cohn-Bendit. Bon, là aussi, je crois qu'il y a une certaine continuité, même un cycle qui se boucle assez bien. Voilà, 1968-2019, Daniel Cohn-Bendit, l'invasion des Juifs partout, voilà, dans les médias, la télévision, dans les partis politiques. Voilà, bon. Mais il s'en sort bien. Ce qui est intéressant, je dois dire, c'est l'effondrement du parti gaulliste, dont je le dois dire très franchement, je me félicite bruyamment, quoi. Je veux dire, moi je suis un anti-gaulliste rabique, je veux dire, bon déjà, et je suis très content de voir ce parti de traîtres disparaître progressivement à mesure que leur base électorale, que sont les retraités d'un certain âge, je dois dire, disparaître. Alors, c'est pas que je souhaite la mort des anciens, hein, par principe, mais je veux dire, c'est quand même eux qui, ouais, finalement, par habitude... Oui, par contre, on souhaite la mort des vieux enculés, les boomers, si vous nous écoutez, par exemple, hein, en tout cas, certains boomers, hein, la plupart, en tout cas. C'est que les macro-opportunistes qui restent dans le parti gaulliste n'ont plus d'options, ils ne sont plus du tout un parti de gouvernement, comme le Parti Socialiste à 6%, ils ne peuvent pas prétendre être un parti de gouvernement, ils ne peuvent pas prétendre en 2022 rassembler une majorité de 51% des voix, c'est impossible. Donc, dans le parti, ils vont le savoir, les grands cadres, les grands notables de ce parti-là le savent, et maintenant, ils vont vendre à la découpe à Macron ce qui reste. Donc, vous allez voir des édiles, hein, des maires de ville, des sénateurs, tout ça, aller négocier en désordre auprès de Macron, qui va se faire un plaisir de sélectionner, d'abattre, de flatter. Vous allez voir, ça va être très marrant. Et enfin, la gauche, je suis très satisfait de voir la foirade extraordinaire de Mélenchon, qui finalement paye sa trahison. Alors vous allez me dire, bon, il n'a jamais été franc du collier, c'est un métèque né au Maroc qui a constamment expliqué et fait carrière sur la haine des Français, en fait. Hein. Lui, ce qu'il aime, c'est les métèques, c'est ça qu'il aime. Il en est un, il les aime, il les veut, en tout cas pour faire carrière. Comme j'ai déjà dit, quand l'heure de la retraite sera venue, c'est au Maroc qu'il ira se dorer la graisse avec sa maghrébine. Donc je suis quand même très content de voir ce type, quand je parle de trahison, se vautrer, parce que il y a eu un pari qui a été fait par certains membres de la France Insoumise de soutien aux Gilets jaunes, en espérant créer un populisme de gauche ou de soutenir un courant populiste de gauche sur cette base-là, et ces gens ont été liquidés. Ils ont été purgés par Mélenchon, qui a été rappelé à l'ordre par le Grand Orient de France, qui a été menacé, c'est évident, et qui a accepté de se rallier. Bon, bah ça n'a pas payé. Voilà. Il va garder sa maghrébine, il va garder sa maison de campagne, etc. Mais politiquement, petite précision aussi quand même. Bon, parce que c'est quand même l'occasion de faire cocorico, mais ce Mélenchon et même cette mouvance d'extrême gauche qui a essayé de récupérer les gilets jaunes, etc. Mais on a vu beaucoup le média. Hein, oui. Hein, qui était à la pointe pour faire des lives ici, avec Claude Lancelin, hein, qui était la rédactrice en chef de Frau Lancelin, effectivement, qui était la rédactrice en chef, qui était purgé. Bon, ce média là en tout cas a chié de l'heure de gilets jaunes, quoi. Hein, c'est ça, ouais. Sur YouTube, ça y allait. Média qui qui est indirectement subventionné par l'État, puisque quand tu lui donnes du fric, tu es défiscalisé. Hein. Voilà. Et qui fait moins d'audience que démocratie participative. Hein. C'est, il oui, est bon de le rappeler. Dans le ranking, en tout cas. Ranking, oui, effectivement. Ben oui, oui, oui, il y a moins de trafic sur le site du média que sur de démocratie participative. Voilà. Donc, ouais, par contre, c'est un site, le média, qui brasse plusieurs millions d'euros par an, je le précise. Hein. Oui, oui, oui. Et donc, qui a des avantages. Alors, donc, c'est ça. Voilà. Et malgré ça, si tu veux, malgré l'espèce de demi-soutien de la puissance publique pour créer une fausse opposition, ben ça fait pchit. Hein. On ne peut pas dire ça fait prout. Oui. Bon, ben ça c'est vrai que c'est quand même réjouissant. Oui, c'est bien. Alors par contre, on peut aussi s'attarder un petit peu sur les petits partis. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui vont être satisfaites de la performance du Front National. Je ne suis pas là pour essayer de gâcher la fête si ça fait plaisir à certains. Je veux simplement dire, je donne du recul aux gens. Je veux dire, ne vous laissez pas enivrer par l'escroquerie électorale. En 2014, le Front National a fait 25%. Et comme vous l'avez constaté ces 6 dernières années, ça a changé la donne. Hein. Je pense que vous l'avez tous senti dans votre quotidien. Le FN à 25% en 2014, vous avez senti que quand même, il y a eu un sévère coup de barre à droite en France. Vous ah bah, rien senti. À voir. Ah bah voilà. Donc non, je veux dire, voilà, bon, ça peut vous faire plaisir un peu comme quand il y a votre équipe de football qui l'emporte, bon voilà, sauf que ça n'a aucune espèce d'impact sur la réalité, parce que les élections ne commandent pas la réalité politique. C'est la finance, c'est les grands médias, c'est les réseaux occultes, c'est ça qui fait la politique, c'est pas du tout la démocratie. Et quand par hasard un parti réellement populaire et révolutionnaire émerge, je peux vous assurer que... Il ne dure pas très longtemps. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Maintenant, intéressons-nous justement à des petits partis qui prétendent chambouler l'ordre établi. Alors, comment dirais-je, c'est un peu drôle, mais le parti animaliste est devant l'UPR quand même. C'est quand même comique, quoi, je veux dire. Alors qu'Asselineau est un gros peur, quand même. Les gens préfèrent les animaux aux nègres, quoi. C'est merveilleux. Non, mais tu vois Asselineau qui fait des campagnes depuis je sais pas combien de temps, il fait des discours, des trucs, etc. Bon, il a réussi quand même à créer un petit appareil militant, faut pas lui enlever ça. Non, il est à 1%. Il est battu par le parti animaliste. Le parti animaliste fait le double de Asselineau. Voilà, c'est sympa. Oui, tout à fait. Et même Urgence écologiste a fait 1,7. Il est même battu par des écologistes alors que on pourrait se dire qu'il ne pouvait pas y avoir de parti écologiste à côté de EELV, quoi. C'était pas possible, qu'on se dise « non, il bouffe tout ». Non, même une espèce de petite liste dissidente a réussi à faire 1,7, là où notre pauvre Asselineau, avec un programme tout à fait original, repeupler la France de nègres. C'est quand même assez, je veux dire... Pour une fois, je ne vais pas chier sur ce gros chapon d'Asselineau. Ah ouais, parce que je trouve que... Il a une... un appareil militant qui est quand même qui est surmotivé. Hein. Alors effectivement, c'est ils sont tous négrolâtres, mais je t'avoue qu'ils sont motivés. Hein. Je le vois, que ce soit sur Internet, que ce soit même dans la rue, les types sont vraiment motivés. Quoi. Ils sont persuadés que de bientôt Asselineau va prendre le pouvoir et qu'il va devenir le nouveau De Gaulle. Alors... les gens autour de Raël sont également très motivés. Hein. Je te l'assure. C'est ce que j'allais dire, en fait. C'est qu'il y a vraiment un côté sectaire, en fait, chez les partisans d'Asselineau. Tu les écoutes, ils ont tous le même discours, ils vont tous te répondre de la même façon, ils vont tous te présenter Asselineau en mec qui est shunté par l'État parce qu'il représente un danger, c'est une véritable menace pour le système. C'est pour ça qu'il n'est pas écouté. Et tu te dis juste, mais... où avez-vous posé vos cerveaux? Parce que... qu'il aille se faire enculer. Voilà. Voilà. Tu sais, si c'était pas un gros chapon avec charisme de torchon mouillé, et si elle était claire sur l'immigration, enfin, si sa ligne souverainiste était de droite, je pense qu'il... Non, attends, je traduis. Tu veux dire que s'il était beau mec et qu'il était raciste, il ferait un bon score, c'est ça que tu veux dire? Bah, tout à fait. Je veux dire, tu changes Asselineau plutôt que de mettre son espèce de métèque aux cheveux frisés, tu mets une jolie blonde tu es très clair sur l'immigration. Et puis, enfin, franchement, un truc aussi, je veux dire, quand t'es souverainiste, t'en as rien à foutre des lois de l'ennemi. Enfin, je veux dire, quand t'as envie de sortir d'une maison, bah tu défonces la porte. Tu passes pas ton temps à chercher la serrure. Non, mais il y a qu'un bureaucrate qui peut imaginer qu'un règlement comme ça, enfin, que la politique marche sur la base de règlement. Enfin, c'est complètement. Mais oui, je suis d'accord avec toi. En fait, il faut brûler le règlement en suivant les règles du règlement. C'est ça. Alors, Florian Philippot et les Patriotes ont fait 0,5. Alors, je corrige, le Parti Animaliste a fait en 2-2. Il avait fait le Parti Animaliste, quelque chose comme ça. Ou quelque chose comme ça. Hein. Donc, ça fait quand même 4 fois plus pour une organisation qui a mis un chien sur son affiche que Philippot. Ça invite à la modestie. C'est la grosse mantelle qui doit être contente. Parce ah, bah, jubile, ouais, elle se représente. Ouais, parce que je crois qu'elle avait monté un micro-parti animaliste. Ah bon, ouais, national. Je croyais que tu allais dire qu'elle avait peur de finir à l'abattoir. Ouais, parce que bon, pour régler la famine en Afrique, elle est pas mal celle-là. Hein. Ah, bah, tu la largues au-dessus de l'Afrique, elle te fait vivre une dizaine de tribus, la grosse. Hein. C'est la branche aquatique du parti animaliste. C'est la baleine de service. Sauver les baleines. Bon, trêve de plaisanterie. Comment dirais-je? Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des petits partis. Ah oui, non, on n'a pas parlé du con gnangnang qui a. Il est recalé. Attends. C'est mon coup de cœur à moi de cette élection. Il a magnifiquement foiré. Je veux quand même le féliciter parce que c'était pas. Je veux dire. Il partait bien, il avait une bonne dynamique, tu vois. C'est vraiment ses pignons. Lui, c'est pignon, tu vois. C'est pignon, ce mec-là. T'as, il part bien. Il part tellement bien, il va forcément se gameler, tu vois. Et ça a pas loupé. Il a fait 3 points. Je crois qu'il a fait 3 points. Ça m'emmerde un peu qu'il soit remboursé, quand même. Oui. Un petit peu, là. Oui, oui. Ouais, bon, François Pignon. Non mais alors lui, qu'est-ce qu'il a fait Il a mis l'envers à poisson, je crois, le type là. Il a envoyé chier les chrétiens. Précisons que Debout la France, en fait, au départ, se voulait un parti de droite patriotique, se situant entre les Républicains et le Front National, oui. Donc il se voulait moins à droite que le Front National, enfin que le Rassemblement donc, National. Donc il a viré Jean-Frédéric Poisson, qui était un chrétien démocrate. Qui représentait la tendance catholique, quoi, on va dire. Voilà, il faut le dire, nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais Debout la France était un repère d'invertis. Mais alors... Comme a pu l'être le Front National de l'époque de Philippot et comme peut toujours l'être l'espèce de gay pride, de backroom, qui est toujours le parti de Philippot, agrémenté de quelques loupins hein, pour faire un petit peu de couleur. Mais voilà, c'est toujours ça. Et ils en sont allés aussi à virer la très philosémite Charles Gall, la fille d'Emmanuel de Charles Gall, Emmanuel Gall. Ils sont allés la virer pour cause d'antisémitisme, alors que bon. C'est pas pour ça. C'est parce qu'elle avait écrit des tweets relatifs à les nounous qu'on pouvait employer. Pour s'occuper des enfants, et elle avait dit qu'on ne pouvait pas faire confiance aux musulmanes parce qu'elle n'était pas, je ne sais plus si c'était sérieuse ou pas, voilà. Donc, et la presse a découvert ce tweet dans lequel en fait elle remettait en cause les qualités professionnelles des puéricultrices, portant le voile, et en fait. Ni une ni deux, ce très courageux du Pont-Aignan s'est empressé de la virer après avoir viré les quelques catholiques conservateurs représentés par Poisson. Donc son alliance droitarde patriote qui voulait caler entre les Républicains et le Rassemblement National s'est évaporée en cours de route. Et en fait, il n'a plus su où aller, ni quoi, ni comment. Et donc, il est remercié avec 3,4%, plus ou moins. Voilà. Voilà pour Ducon Yan-Yan. Qui, je crois, là, il est cramé, lui. Hein. C'est fini, je pense. Hein. Bon, il va nous refaire encore en 2022. Mais, Non, mais lui, c'est un baron local. Hein. Il est intouchable dans sa ville. Je sais plus d'où il est. Mais il va finir député maire. Hier, avec un Y et pas avec un HY qui est dans le Var. Mmh. Non, ça doit être... soit c'est un très bon maire, soit il a un électorat qui lui ressemble. Dans tous les cas, ce serait une ville de merde. Alors, Bilal Hamon, 3%. Remboursé quand même, Bilal. Hein. Ah ouais, bon, on va attendre un petit peu. Parce que... On va attendre un petit peu, peut-être, parce qu'il y aura peut-être d'ici là des précisions. Oui. 3%, peut-être qu'on sera moins, hein, je sais pas. Bah oui, mais enfin bon, tu sais, les voix d'Allah sont impénétrables, on ne sait pas exactement, hein, on attend. Oui. Les voix du kebab. Alors, comment dire, j'ai une bonne nouvelle pour vous, comment dirais-je, Manuel Valls arrive 5e à Barcelone, où il fait 12%, donc bon, voilà, il continue, il se traîne, voilà, bon, ça c'est la petite information, c'est pas pour les élections européennes, c'est pour les municipales, voilà, il votait à Barcelone, en même temps pour les européennes et les municipales, voilà, donc bon, il va, voilà, voilà. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de ça, il y avait, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ces élections en elles-mêmes, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. En Europe, on a quand même fait un petit tour, le tour de l'Europe, j'ai cru voir que l'AFD était aux alentours de 10%, ils étaient à 7% en 2014, donc c'est pas un score extraordinaire, mais bon, ils peuvent au moins dire qu'ils ont progressé, qu'ils sont à 10%, ce qui... Bon, plutôt positif pour eux. À ce stade, je n'ai pas les résultats en Italie. Si, la Ligue est devant. Ouais. La Ligue est devant. Attends. À combien il a donné la donne? Alors, entre 32 et 36. D'accord. Le mouvement 5 étoiles, autour de 25. Donc, c'est... Oui, donc la coalition gouvernementale reste... Par contre, le rapport de force rapport à avant sa formation... La formation de l'alliance gouvernementale entre le mouvement 5 étoiles et le mouvement de Salvini, quand même, le rapport de force s'inverse, parce que Salvini rentre dans la coalition à 17% oui. Lors des législatives. Maintenant, les urnes, il serait, grosso modo, il représente un tiers de l'électorat. Ouais, il a plus de 30, il est au tiers. Ouais. Il a presque doublé son électorat. Bon, le rapport de force, forcément, s'en ressentir à l'intérieur de la coalition gouvernementale, je pense qu'on va s'acheminer vers des élections anticipées, mon ami Antier. Ouais, en Italie, oui, bon, c'est pas bon, peut-être, hein, mais en Italie, tu aurais une gauche qui serait en gros autour de 20%. En France, oui, elle est autour de 65%. Non, parce que toi, tu intègres Emmanuel Macron dans la gauche. Oh, bien sûr. Ce que je pense n'est pas à comprendre, en fait. Je suis d'accord avec ce que tu veux dire, parce qu'en fait, c'est le sans-frontiérisme, le globalisme, etc. Il est très largement étatiste, mais il ne se revendique pas explicitement du socialisme, il se revendique du progressisme. Donc c'est vrai que c'est une espèce de Renzi. Donc dans une certaine mesure, effectivement, on pourrait s'amuser à le classer à gauche, mais ce qui est dérangeant, c'est qu'il trompe son monde avec toute une série d'artifices médiatiques, ce qui fait qu'il y a des... Parce qu'il ne faut pas non plus prendre l'électorat... pour plus intelligent qu'il n'est, je veux dire, il y a des gens qui se font vraiment berner par des slogans, par un déplacement de Macron à tel moment, ils trouvent que voilà, le déplacement est pas mal, truc, voilà. Et donc, ceux qui votent Macron ne sont pas tous des gauchistes, je veux dire. Je pense que ce serait une erreur de le dire. Mais globalement, effectivement, c'est clairement la social-démocratie. Ouais. C'est quand même de la grosse merde. Effectivement, quoi, hein. Voilà. Oui, ça c'est franchement de la grosse merde. C'est franchement de la grosse merde, ouais. Faudrait faire le total gauche, extrême gauche. PS, Hamon, PC, les petits groupes. Ça fait la gauche dure. Ouais, il y a EELV. Oui, ça fait quand même EELV, beaucoup. EELV, mais EELV, c'est... Mais 25% c'est environ là. Oui, ça fait 25%. Pas mal, hein. Ça fait pas mal, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Je vais faire campagne pour un héros français, quoi. Oui, intéressant, hein, ça. C'est ça de l'avenir. Mais bon, voilà, enfin, je veux dire, il y a d'autres pays, je vois aux Pays-Bas, par exemple, le populisme Oui, bah, non, crabe, mais, non, mais si on volait sur ce plan-là, on peut le dire, il y a aussi la Suède. Hein, voilà, il y a aussi. Alors, toujours pire. À noter que les populistes, bon, qui sont pas des radicaux, hein, les populistes des démocrates de Suède ont fait à peu près 17%, donc ce qui est ils sont à peu près stables dans leur chiffre. Ce qui est pas une petite performance, parce que c'est un parti qui part pratiquement de rien en quelques années. Donc, bon, ils existent depuis plus longtemps que ça, je veux dire, mais ils ont quand même décollé il n'y a pas très longtemps. Que voilà, ils s'installent à 17. Je vais demander, on va aller vers Fulbert, il va nous parler un peu de la Belgique. Qu'est-ce que ça te donne en Belgique? On parlait au début de l'émission, et là, comme on a un peu les résultats, qu'est-ce que vous avez eu? Bah, figure-toi que je fais à regarder pour exprimer les pourcentages que je trouve difficilement. Mais dans les grosses lignes, une chose est sûre, la NVA est toujours, donc les nationalistes flamands sont toujours en tête, même s'ils ont perdu des plumes. Mais les plumes qu'ils ont perdues, elles ont été récupérées par un autre parti nationaliste qui était un peu plus radical et qui s'appelle le Vlaams Belang, que je pense que vous connaissez. Le Vlaams Belang à lui seul a autant son résultat est égal au Parti Socialiste Wallon, qui est le plus puissant des partis socialistes, ce qui est très bien. Et donc, Vlaams Belang plus NVA, à mon avis, c'est une coalition qu'on va voir sortir un de ces jours. En tout cas, je n'en serais pas surpris. Moi, je dirais que les toutes régions confondues, ben, les nationalistes font un carton. Même s'ils sont ultra majoritairement flamand, ce dont je me fiche éperdument, moi qui suis wallon. D'accord. Alors on donne le Brexit Party, on leur donne 24 sièges, ils arrivent en tête des élections. Je vais voir ce que nous. Je vais essayer d'en savoir plus. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose? Juste préciser qu'on fait ça un peu à chaud par rapport aux élections. Ouais. Hein. On a même pas les résultats définitifs. Les chiffres dont on dispose là verraient le parti de Farage, le Brexit Party qui a été créé très très récemment, hein, faire 31% des voix. Donc là c'est vraiment le parti du Brexit, le parti anti-Union Européenne britannique, que Farage a créé vraiment à partir de rien, et pour forcer en fait la sortie du Royaume-Uni, parce qu'en fait ce qui se passait, ça c'est intéressant, c'est que l'oligarchie britannique qui contrôle le système politico-médiatique essayait de saboter en fait la sortie du Royaume-Uni pour maintenir le Royaume-Uni dans le système, de l'Union Européenne, quoi, globaliste, quoi. Donc il a forcé à la démission de Theresa May, donc le Premier ministre, qui a détruit son parti en fait, hein, parce que là le parti conservateur est complètement anéanti. Et donc, il est maintenant à la tête d'un très bon groupe parlementaire, quand même, 24 parlementaires plus ou moins, qui s'associeront à d'autres, où il va pouvoir vraiment faire entendre sa voix pour obtenir le Brexit dur. Alors ça va avoir un vrai impact sur la structure de l'eurozone et la structure de l'Union européenne. Donc finalement, ces élections européennes, en elles-mêmes, au niveau du Parlement européen, n'ont pas tellement d'intérêt. C'est plutôt de l'extérieur, finalement, au niveau des États, et de l'État britannique notamment, qu'il y a quelque chose qui se passe, et que ces élections apportent. Donc ça, je pense que c'est positif. Voilà, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Bon, quelqu'un veut-il dire autre chose sur... je veux dire, là, on parle vraiment sur les pays européens en général, ou quoi, s'il y a d'autres chiffres à ajouter. Non, peut-être juste sur le... Je vois pas... Sur le... La relation peut-être avec Hamon et puis le PS officiel. Là, les estimations, c'est 6,3% pour le PS qui est allié avec le juif, comment il s'appelle, Glucksmann. Aidez-moi. Glucksmann. Et Hamon qui a chopé en gros un tiers du gâteau socialiste, puisque lui, il est à 3%. Je pense que les socialistes ne veillaient pas comme ça. Enfin, moi, en tout cas, je voyais pas la chose comme ça. Je pensais que vraiment, Génération allait être un petit truc à un petit pourcent. Et que le PS avait tout raflé, parce que l'électorat du PS, c'est vraiment des gens qui sont attachés un peu à l'étiquette PS. Et non, il a quand même réussi un peu à bouffer une part du gâteau. Je pense que les gens, peut-être, ils avalent pas aussi cette histoire d'alliance avec, avec ce jeu. Hein. Bah, c'est-à-dire que, c'est surtout que Hamon fait clairement campagne en direction des musulmans. Hein. Je veux dire, bon, il n'y a pas de problème. Il veut taxer les robots et plus de musulmans. Bon, c'est un programme. Hein. Ça s'appelle le tiers-monde. Hein. Oui, enfin, si tu veux draguer un musulman qui ne votera pas pour les européennes, ça sert un peu à rien. C'est pour ça qu'il fait un score très faible. Je pense que ces 3%, c'est pas des bougnoules hein, qui ont été séduits par le kebab. Non, c'est typiquement de la vieille fonctionnaire. C'est lui qui avait fait un score de 75% chez. Enfin, 75% de son électorat, c'était de la vieille. D'accord. Alors, maintenant qu'on a fait tout le tour de cette élection, on peut revenir un peu sur les... Alors, enfin, en tout cas, sur une liste qui était originale, finalement, dans le paysage. En tout cas, de prime abord, c'était la ligne claire qui a incarné, finalement, tout ce que je pense des élections en général, c'est-à-dire la foirade magistrale. Alors là, je vais vous laisser parler. Donc, liste qui posait comme principe essentiel la lutte contre le grand remplacement, le refus du grand remplacement. Je crois aussi la proposition de la remigration, si je ne m'abuse. Et donc, Renaud Camus, l'écrivain homosexuel bien connu qui, en 2000, comptait les Juifs sur France Culture et maintenant les courtise, comme quoi, a créé cette liste pour promouvoir son idée et essayer de percer dans les élections. Et bon, bah, je vous laisse narrer peut-être la suite et ce qui s'est passé, quoi, hein, si quelqu'un veut... Et puis, simplement, vous demander votre sentiment. La ligne claire ? Mais oui, la ligne claire ! Je dis ça parce qu'en fait, quand t'as une liste anti-grand remplacement et que dessus, t'as un bougnoule en deuxième ou troisième tête de liste, bon, t'as envie de dire... Qui ça ? Karim Mouchik ! Karim Mouchik, voilà. Voilà. Il est français, converti au christianisme et il visite Israël. C'est bien quand même, non ? Oui, c'est-à-dire que c'est un peu trop le problème dans nos milieux, c'est que les gens qui prétendument veulent sauver les Blancs en Europe ne peuvent pas s'empêcher, dès qu'ils voient un nègre, un bougnoule, un Chinois ou je ne sais quoi d'autre qui est soit chrétien, soit un petit peu propre sur lui ou qui a un QI supérieur à la moyenne de ses congénères, ne peut pas s'empêcher de l'inviter en lui disant « Viens chez moi, j'ai des blanches à baiser, toi t'es un bon gars ». Il y a un moment, il faut juste tirer la chasse. Je souscris entièrement à ce que dit notre ami Captain. Cette liste-là, donc menée au départ par... Renaud Camus, c'est ça hein, Renaud Camus, oui. Qui est un inverti notoire. Oui, il s'en cache pas, je veux dire, c'est pas, on révèle rien. Je veux dire, qui poste des photos de lui à poil. Bon, voilà. Enfin, oui, totalement. Qui revendique plus ou moins une sexualité qui soit non pénalisante. De manière universelle, donc y compris chez les enfants. Alors non, il a tenu des propos pour le moins ambigus sur la pédophilie. Voilà. Et cette espèce de cafard est allé. Ça colle pas très bien le terme de cafard avec lui. C'est plutôt cette espèce de vieille tante. Ouais, mais c'est pas assez, je trouve. Non, ça colle, c'est ça. C'est une vieille tante précieuse, machin. C'est un bourgeois, quoi. Ça me fait marrer, moi. C'est ça que j'ai vu. Parce qu'il faut expliquer le truc. Donc, il lance sa liste. Non, oui, moi, je... Et à quelques jours, donc, du scrutin, c'est-à-dire cette semaine, quoi, révélation de la part de la presse picarde, qui publie des clichés d'une gamine présente sur la liste, qui s'appelle Fiorina, qui est bien connue puisqu'elle a perdu un œil lors des manifestations des Gilets jaunes auxquelles elle participait. Elle a été assez médiatisée, et elle a rejoint la liste de Renaud Camus, et précisons aussi que cette même Fiorina a reçu toutes les attentions de toutes les habituelles mouches à merde, comment dirais-je, du business politicien, dont le gros collard, avec son épaisse couche de gras sur la tête et les dents jaunies, et son laquais, pour faire un cliché. Et son laquais Damien Rieu, hein, Damien Rieu. Bon, voilà. Et alors, quand les clichés sont parus et qu'on a vu cette jeune fille qui s'appelle Fiorina, donc il y a 2 ans peut-être, non, pas l'année dernière. C'était l'année dernière que ces clichés ont été pris, vidéo a été prise où elle dessine dans le sable en bord de mer à Calais une svastika, donc une croix gammée, et mime une prière. Bon. C'est un geste. Je m'en fiche totalement. Enfin, moi, j'aime beaucoup les svastikas, c'est pas le problème. Mais comment dirais-je, la réaction de Renaud Camus a été ce que tu vas nous décrire. Et donc, je dis ça pour tous ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas suivi ça, qui n'étaient pas au courant de ça. Pourquoi cette liste s'est tout d'un coup effondrée sur elle-même? Parce que c'est, C'est-à-dire qu'en soi, si tu veux, ce que fait une gamine de 18 ans, ou un petit peu moins même, hein, sur une plage, au niveau politique, on en a un petit peu rien à cirer. Hein. C'est bien, c'est mal, c'est une gamine. Il se trouve qu'il y a une photo qui est présentée à Camus, qui est cette tête de liste, qui est la liste contre le grand remplacement. Hein, oui, contre le grand remplacement, ouais. Avec pour le numéro 2, un certain Abdulaziz Ouchir, qui est, je crois, le représentant du Hamas en France, hein, il me semble. C'est un philo-sémite convaincu, autant pour moi. Il y a cette photo-là. Et donc, bon, cette ignoble pédale de Renaud Camus se désiste, se excuse, etc. Il en est presque à insulter la gamine, quoi. Il a été jusqu'à. Dans sa arraché. Commune. Il a été arraché. Ouais, non, voilà. Il y avait des affiches. Donc, il avait dû mettre où ces mignons, hein, avaient dû coller des affiches dans sa commune, puisqu'il n'y a pas de moyens pour cette liste, pour coller ou faire coller des affiches. Il est allé jusqu'à aller arracher la partie de l'affiche où se trouvait la petite Fiorina, donc la partie gauche de l'affiche. Où il y avait son visage. Il s'est pris en photo en train de faire ça, et il a posté sur les réseaux sociaux. Oui. Alors oui. Il a ostensiblement montré, en fait, le fait qu'il disait je n'assume plus cette liste, mais en vrai, il a été jusqu'à arracher le visage de la gamine. Oui, de la gamine. Se mettant en scène comme ça, pour signifier à qui? Au pouvoir juif. Non, mais attendez, non seulement je ne cautionne pas, mais en plus, je combats, je suis. Bon. Combattre je peux sucer pour moins cher et plus à fond. Oui, il y a un problème en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur la liste du RN, c'est-à-dire que ces mecs-là, en fait, ce sont des putains de bourgeois, et c'est encore pire dans le cas de Renaud Camus, parce que c'est un bourgeois PD. Le mec est quand même à la base, c'est lui qui a inventé le terme de grand remplacement. Et au lieu de continuer à ouvrir la fenêtre d'Overton, ce mec tape à sa droite. C'est-à-dire que c'est. Il y a plus de mots quoi à ce niveau-là, c'est-à-dire que le mec d'un côté se prétend, c'est comme si un mec se pose en héros et de l'autre côté il se pisse dessus dès qu'il y a un petit combat qui se passe, tu vois. Ça serait pas, c'est pas logique. Alors donc, il faut comprendre quelque chose, Captain, si tu veux, parce que tu n'as peut-être pas forcément suivi, c'est qu'il a développé quelque chose, cet ignoble tas de purins, c'est que c'est ce symbole-là de bouddhisme ou de tradition. Tradition bouddhique, oui. Tradition du nord de l'Europe. Ça faisait référence au Troisième Reich, qui était en fait une manifestation du taylorisme fordiste exterminateur. Accroche-toi. Alors que notre tradition, nous, les Européens, nous inscrivons. Dans la mère de toutes les identités, qui est l'identité que peut avoir Israël avec sa terre. Voilà. Il faut mettre les choses à leur place. Il faut mettre les choses à leur place. Camille n'a pas dû s'inscrire très souvent dans les mères de qui que ce soit, si tu veux ce que je veux dire. Oui, alors moi je trouve que c'est bien que Renaud Camus replace la synagogue au milieu du village quand même. Exactement, exactement. Il faut remettre les choses au centre. Alors sur le personnage, alors moi je trouve ça fascinant parce que ça résume tout de ce pauvre homme. Parce que j'ai même plus envie d'être insultant tant c'est misérable. Vraiment c'est la quintessence du bourgeois, je veux dire, le bourgeois inverti, courtisan, cherchant à courtiser les juifs, notamment Finkielkraut, sur France Culture, après, comme je l'ai dit, les avoir comptés, en ayant observé, tiens, qu'il y avait quand même une très forte concentration sémitique sur cette radio dite d'État, mais qui est en fait un simple appendice de l'État d'Israël qu'aujourd'hui il trouve admirable, et ça c'est sa source d'origine, quoi. C'est-à-dire que lui... Il se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Europe? Ah bah, réflexe, je vais aller chercher du côté de Jérusalem, tu vois, c'est bon. Et le fait que, ça, que le heur ait lieu par rapport à une roue solaire, parce que c'est ça en fait, la croix gammée, c'est la vieille roue solaire des populations européennes, nordiques, traditionnelles, enfin des populations blanches, on le trouve partout, on retrouve ce symbole partout, sous toutes les formes, dans le monde européen, c'est très révélateur, c'est-à-dire que placer entre Hyperborée et la fosse à Purin qu'on appelle la Palestine, Camus, le sodomite, choisit la fosse à Purin hébraïque. D'accord ? Bah, ça résume tout. Ça résume tout, et c'est logique. Hein ? Un anus va se coller à d'autres anus. Le trou à chiasse de la planète, c'est quand même la Palestine depuis un sacré paquet de millénaires. Donc voilà, moi je trouve que ça fait ton sur ton. Et de le voir s'abaisser à ça... Ça révèle bien qui il est, voilà. Il ne faudrait pas oublier quand même les autres anus qui se coalisent à cette course vers le néant, que sont Monsieur Collard, député, je crois député français, hein, député à l'Assemblée nationale. Oui, député, ouais, député. Et ouais. Damien Rieux, qui je crois est quelqu'un qui est dans sa roue, hein, me semble-t-il, qui était une espèce de machin sur Twitter. C'est tous ces bourgeois. Alors excuse-moi, que nos éditeurs comprennent. C'est-à-dire que ces gens-là, que ce soit Collard ou Damien Rieux, des identitaires qui traînent dans ces trucs-là, ont poussé le vice jusqu'à aller supprimer. Donc ils sont allés faire l'historique de leur compte Twitter. Enfin, vous voyez la chose comme elle est ignoble. Ils sont remontés des mois en arrière. Ils ont supprimé toutes les publications qu'ils avaient pu avoir avec cette petite qui s'est fait éborgner par un putain de connard qui est allé tirer des grenades dans des gens. Quoi. Bon, il y a une décence. Hein. Voilà, c'est pas la commande des Saint-Cy, parce que bon, mes chiens, mes couilles et compagnie. Mais bon, moi, il y a des choses que je peux pas. Ça me sort par les yeux et partout. C'est pas possible. Ces gens-là, je sais pas. Il faut les poncer jusqu'à ce qu'ils saignent. Je sais rien. Il faut faire des trucs, quoi. Hein. Non, mais ça, c'est bien parce que c'est une expérience en temps réel pour tous ceux qui observent ces gens. Parce que là, on parle du RN, il y a Collard qui perd en fait. Ça montre que c'est ces bonhommes. Ça montre que c'est ces gens, leur courage personnel, leur courage individuel. C'est même pas sous le danger, c'est même pas face au danger, il n'y a pas de danger. C'est juste que leur réputation peut être effective. Enfin, ils prêtent au flanc de la critique juive, médiatique. Ça peut faire baisser un peu dans les sondages. Le qu'en dira-t-on des mégères de plateaux de télévision les inquiète. Éventuellement une petite place pour certains de conseiller départemental ou hypothétiquement dans 15 ans de maire, hein, si tout va bien, si Marine Le Pen ne pique pas une colère, pour ça on va ramper et on va évacuer une photo avec une gamine en fait qui dans l'affaire aura fait montre de beaucoup plus de courage que tous ces mecs réunis quand même. Parce que elle est blessée, elle n'est pas rentrée chez elle. Elle s'est mise sur une liste. Bon, moi je pense qu'elle a fait une erreur, mais elle est allée sur une liste quand même assez, en toute sincérité. Et ces mecs-là lui ont craché dessus. Et non seulement tous ceux qui. Et en plus tous les mecs qui ont essayé de la récupérer pour faire des photos avec elle. Je veux dire. D'accord ? Donc où est le courage ? Vous l'avez. Ils l'ont effacé. C'est-à-dire qu'ils sont allés, sont allés pousser le vice. À faire oui, mais tu l'as dit, tu l'as expliqué. Ils ont fait des pratiques. Ouais, non, mais on n'a pas compris, oui, on n'a pas compris. Oui. Où c'est qu'on a vu ça? Qui a fait ça? C'est Staline, quoi. Enfin, on a, c'est délirant comme pratique. C'est délirant. Mais non, c'est des bourgeois. Et donc, par conséquent, ce sont des lâches. À partir du moment où, comme l'a dit Gandalf, tu t'enquiers plus de ta réputation que de la cause que tu prétends défendre, t'es une merde. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est vrai que c'était. Alors, en soi, c'est une tempête dans un verre d'eau, on est d'accord, c'est une toute petite liste, etc. Mais c'est un symbole, c'est symptomatique, ça révèle des choses. Et pour ça, c'est très utile, et ça vaut le coup d'en parler. Mais finalement, Vincent Vauquelin avec... Attends simplement. Vincent Vauquelin avec sa dissidence française, sa petite liste, dont on pense ce qu'on veut, je veux dire. Est-ce que c'est utile ou pas? Bon, ça, c'est un débat. Mais finalement, eh ben, il a fait son truc. Il a fait son truc, il est resté carré, ils ont fait, voilà, bon, ils ont essayé, mais comparer les deux, je veux dire, si, je veux dire à audience égale, je veux dire, au plan politique, quoi, dans l'élection, bah, voilà. Ouais, ce que j'allais dire, en fait, c'est que quand tu prends la liste Bardella, RN, Camus et Vauquelin, en fait, les seuls qui, pour moi, les seuls qui mériteraient quelque part mon vote, au moins Vauquelin, voilà, il a porté ses couilles, et puis le mec, il est avec sa ganache là sur les photos en mode la seule liste nationaliste. Il a personne qui le soutient. C'est juste, allez, ils sont combien? Ils sont 300 en France peut-être. Et il y a un côté vraiment aventurier et folklorique, quoi. À côté de ça, t'as les autres PD du showbiz là qui, parce qu'il y a une gamine de 20 ans qui a fait une svastika sur une plage, qui se pisse dessus, quoi. Mais au secours, quoi. C'est, enfin, je vais pas répéter, mais bon, voilà, quoi. Ouais, non, mais c'est important parce que, alors, je rappellerai que certaines personnes avaient estimé que, finalement, une parole un peu libre. Mettez en danger Renaud Camus. Oh putain, oui! Oh putain, borgne! Oh saleté, oh sainte vierge! Oh là là là, oui. Disons-le tout de suite, des espèces de connards anti-occidentalistes, mettez en danger Renaud Camus, en l'exposant comme étant la grosse merde qu'il est. Hein, c'est... bon, oui, effectivement. Gigi Lamoroso, non? Oui, non, mais grâce soit rendue à ces, assez grand, ces grands suiveurs. Fin observateur de la vie politique, disons, voilà. Oui, c'est faisant, hein. Un peu comme ça, ça ira mieux, quoi. Alors, gitan aussi, ça marche bien, gitan. Alors, comment dire, quelqu'un veut-il rajouter quelque chose sur tout ça? Enfin, sur ça ou sur autre chose, enfin, sur ce scrutin, quoi, avant qu'on se sépare. Je trouve qu'on n'a pas assez dit du mal des juifs. Et Glucksmann, tu as une sale gueule. Voilà. Que cela soit. Oui, Glucksmann a été l'incarnation même de la candidature juive, mais sans succès. Hein. Enfin, ouais, je pense que moi, sans succès électoral, mais je veux dire, en fait, la mission qu'il avait, c'était d'éviter qu'il y ait la présence d'un bloc de gauche, en fait. Donc, parce qu'évidemment, Macron, on ne peut pas imaginer une gauche arc-en-ciel, si vous voulez, ou plurielle, qui serait organisée contre lui, qui associerait Parti Socialiste, France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, parce que si vous totalisez ces trois formations, par exemple, vous avez environ 25%. Donc évidemment, Macron arriverait troisième, ça serait quand même problématique, quoi. Donc je crois que la fonction du juif Glucksmann, qui est un globaliste, vraiment l'incarnation, le relais absolu, oui, de la finance juive. Hein, voilà. Rappelons quand même qu'il a été maqué avec une nana ministre de Géorgie, et qui, après avoir été ministre de Géorgie, avait été ministre en Ukraine. Voilà. Bon, la liaison entre les deux, c'est la synagogue. Hein. Faut pas se louper. Et après avoir commis donc ces atrocités dans l'Europe de l'Est, il est allé commettre l'irréparable, l'antéchrist. L'irréparable. L'antéchrist, oui, voilà, il a pendu Gabriel. Gabriel Glucksmann avec la chamelière, Léa Salamé. Léa Salamé. Et sa gueule est indescriptible. Oui, la chamelle. Chamelle. Parce que, la chamelle. Oui, la chamelle, autant pour moi. La chamelle Léa Salamé, terrible, terrible. Mais alors, je pense qu'il était téléguidé pour ça, il était là pour empêcher toute jonction des boutiques de là-haut. Bon, finalement, bon, on s'en fout. Ouais, hein, mais son job. Voilà, il est là pour faire son job pour Macron, quoi. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment il va être rétribué, en fait. Ça, Il n'y a pas besoin. Le truc, c'est que les socialistes, en plus, c'est vrai, moi j'ai suivi cette histoire, les socialistes se sont fait imposer, enfin, ils se sont fait imposer Glucksmann. C'est-à-dire qu'ils ont appris. C'est clair. Ouais, ouais, ils ont appris dans la presse, voilà, c'est lui votre candidat. Ah bon ? Voilà, donc, enfin, ça a été vraiment fait à la juive, enfin, c'est comme ça. Voilà, la finance juive à la manœuvre, nomme les candidats, et les rares couillons qu'il y a encore au Parti Socialiste, qui. Enfin, voilà, faut vraiment avoir une couche quand même, hein, pour encore être au Parti Socialiste en croyant se trouver dans un parti, j'allais dire, populaire et ouvrier, faut quand même avoir. Voilà, oui. Ouais. Oui, bon, mais bon, peut-être que, hein, certains. Et non, ils ont découvert, bah voilà, c'est Glucksmann, oui, qui, donc homme quand même du peuple, prolétaire s'il en est, voilà. Donc il a été émis là. Les cadres du PS ont accepté. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans la poche de la finance juive depuis toujours. Et voilà. Glucksmann avait quand même commencé sa petite campagne par s'afficher avec un mégaphone. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et, oui. C'est l'homme de gauche. Et en fait, il portait une veste de marque Canada Goose. Qui est une veste un peu de luxe, quoi. En fait, ça coûte plus de 1000 euros. Ça coûte 900 balles, ouais. Au minimum 900 balles. Pour un homme de gauche, c'était embêtant. Et puis d'ailleurs, les Inroc, bizarrement, ils avaient repris la manif en question, mais ils avaient enlevé le logo. Hein, c'est bizarre. Oui. Ouais. Ah oui, l'homme du peuple. Hein, l'homme du peuple. Les Inroc, hein, c'est une revue populaire, les Inroc. Hein. Ah bah oui. Oui, oui, bah voilà, donc... Bon, enfin, ceci étant dit, ce que je voulais dire aussi peut-être sur ces élections, c'est que maintenant, il va y avoir des élections intermédiaires, il y a encore, je crois, des municipales en 2020, bon, il y a encore quelques petits suffrages comme ça avant 2022. Bon, il y a une dynamique qui est assez posée, qui est la dynamique recherchée par Macron, hein, très, très, très, très nettement. Macron veut le deuxième tour qu'il a eu en 2017, c'est-à-dire affronter... Bon, l'unijambiste Marine Le Pen, hein, bon, c'est très clair, voilà, c'est le programme. Et je pense que le fait qu'il arrive en deuxième position, c'est plutôt bon pour lui, compte tenu de la contre-performance des Républicains. Parce que ça peut faire frémir un petit peu la gauche, ça peut faire frémir un petit peu le centre, et il va pouvoir jouer à fond sur le danger du populisme. C'est-à-dire qu'il va pouvoir dire « Ah, il y a le feu à la maison », alors qu'il n'y a pas le feu du tout, on est d'accord. Hein. Mais il va pouvoir en jouer et essayer de rallier les derniers restes de LR, peut-être les derniers socialos, des trucs comme ça. Et il va pouvoir dire « Attention, il y a un vrai danger, 2022, l'Union Européenne, la démocratie, voilà. » Et évidemment, ça sera rebelote, avec peu ou prou le même résultat. Hein. Peu ou prou le même résultat. Et parce que, bon, on fait le dernier tour de table et puis après on se sépare, mais pour moi, les Républicains, je sais que certains en rêvent, mais pour moi ça n'arrivera pas, les Républicains ne s'associeront jamais avec le Front National, ou le Rassemblement National maintenant, parce qu'ils sont tenus par la finance, et que si le parti gaulliste doit mourir pour sécuriser la finance, ben... C'est ce qui va se passer. Voilà, c'est leur fonction. Mais il y aura toujours un truc comme l'UDI, tu vois, avec une espèce de machine très louche comme Jean-Christophe Lagarde, hein, qui sera ou là. Meilleur pour Habib, tenir ou meilleur Habib. Oh, oui, c'est vrai. La droite française. Oui, tout à fait. La droite française, voilà. Donc, les partis juifs sont par définition là pour servir les juifs. Donc, c'est dans la fonction des Républicains. De mourir en première ligne à Verdun pour servir la finance juive. C'est normal. Voilà. J'ai même envie de dire, la démocratie est là pour servir les juifs, mais bon. Oui, c'est ça, totalement, bien sûr, tout à fait. Voilà, donc, bon, non, mais bon, par contre, bon, une note quand même positive, alors je vais pas présenter Bardella sous un jour qui n'est pas le sien, j'avouerai que je ne le connais pas, hein. Mais je vais pas dire que c'est un révolutionnaire, etc. C'est pas du tout ce que je pense. Mais c'est bien qu'il y ait quand même quelqu'un de jeune qui soit élu au Parlement européen. Je crois qu'il a 23 ans. 23 ans. Voilà. Alors, pourquoi c'est bien ? C'est une question générationnelle. Bon, je crois qu'il vient de Seine-Saint-Denis. si je ne m'abuse. Donc, la submersion raciale, il connaît. Il est jeune, donc c'est quelqu'un qui... Voilà, il est du 21e siècle. Donc, l'avantage, c'est qu'il va comprendre des choses que la mère Le Pen ne comprendra jamais, même en essayant. Hein, donc, voilà. Donc, je pense qu'il y aura, si vous voulez... une ouverture, on va dire, une ouverture d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il y aura... ce sera raccord ou quoi que ce soit, mais il y aura quand même une ouverture d'esprit qui est quand même plutôt positive. Je veux dire, c'est quand même plutôt positif. Moi, je préfère voir ça que l'immonde Philippot... parce que c'était ça qu'on se tapait encore jusqu'en 2017. Hein. Oui, des fuites partout, quoi. C'est-à-dire que, bon, là, on a quand même... Voilà. Bon, des hommes en cravate de 23 ans, c'est bien. Alors oui, bon, alors, il n'a pas tout le temps porté la cravate, mais bon, c'est vrai que c'est mieux quand il la met, quand même. Le Captain pourra, bon, aura des réserves, et je suis quand même assez d'accord avec lui pour le suivre dans ces réserves-là. Mais ça reste quand même un gamin. 23 ans, il a quand même fait pas mal de trucs, hein. C'est quand même sympa. Il a évoqué une question qu'on aborde ici, ma foi, de temps en temps, qui est la question des boomers, hein, la question générationnelle. Bon, il y a quelque chose. Je serais très heureux de voir Jordan Bardella parler de la tyrannie qui va se mettre en place sur l'Internet pour bâillonner précisément les jeunes générations, les nouvelles générations de blancs qui ne veulent pas disparaître, que l'Union européenne prépare avec l'aide active de Macron. Donc j'espère qu'on entendra beaucoup Bardella sur ce sujet-là. Parce qu'il sera à sa place, il comprendra l'enjeu et il sera en mesure de se faire entendre. Donc ça me ferait plaisir. Je sais que Marine Le Pen bite rien à ces trucs-là, encore moins le père Collard, etc. Voilà. Donc ça c'est le truc positif. Je suis content. Voilà, c'est bien. Une liste à 23% et quelques par un jeune de 23 ans, un homme hétérosexuel jusqu'à plus ample informé. C'est quand même mieux que ce qu'on sait. Taper jusqu'à présent. Voilà ce que j'en dirais, moi. Enfin, voilà. Oui. Sur le côté positif, vous voyez. Voilà. Et peut-être aussi en forme de conclusion, là je reviens à la ligne claire, qui est finalement une ligne assez floue. Hein. Huileuse, plutôt. Oui, c'est ça, l'huile claire. Ou l'huile floue. Comment dirais-je ne vous mettez pas sous les ordres d'homosexuels, hein, déjà. Surtout s'ils ont pour compagnon des Algériens convertis au Christ. Hein, oui. On va éviter ça. Algériens convertis au Christ qui ont pour hobby des voyages en Israël qu'ils vont répandre ensuite en cliché sur Twitter. Voilà. Franchement, oui. Non, non et non. Voilà. Non mais plus même, bon, pour peut-être nos amis qui nous écoutent. C'est bien gentil, les nègres assimilés, les Algériens convertis, etc. Mais chez eux, voilà. chez eux. Pourquoi pas, Ou en Espagne, peut-être, hein, par exemple. Hein, mais pas chez moi, tu vois. Hein, pas chez moi, voilà. Hein, ailleurs. Non, mais il faut espérer quand même que... Non, parce que, je sais qu'il y a des... Enfin... Voilà, c'est la France 2019, il y a des obligations, des impératifs, ça c'est sûr, des interdits aussi, légaux. Mais si on peut quand même mettre en avant plutôt une ligne identitaire à la place de la ligne « Regardez qu'il est beau mon nègre tricolore avec sa Coupe de France dans les mains », c'est quand même un peu mieux. Quoi. Voilà, c'est quoi. On n'est pas forcément obligé de vouloir finir à parler petit nègre avec des machins créoles défigurés en 2052, voilà. C'est pas forcément toujours le projet de société qu'on a envie de voir. Oui, mais tu peux obligé de parler petit nègre. Hein. Tu peux avoir une tête de monstre racial sans en parlant un très bon français. Tu vois, il y a des gens qui ont pour projet d'avoir des agrégés de littérature. Hein. On se rappelle de Nadjouen d'Alain Soral qui a ce projet-là, par exemple. Oui, Asselineau aussi, hein, d'ailleurs, à ce projet. Oui, enfin, il y a tout un tas de gens qui ont ce projet, en fait, ouais. Malheureusement. Voilà. Bon, messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.